Non, du non. Comeback. Oui, oui. Pardon, ah. C'est à la suite. Ouais, mais au moins, comme ça, vous êtes au courant. Pas du tout. Koé, 19h-22h, sur Énergie. Invité dans quelques jours, ça va être énorme cette émission. Il y aura Ken Jones aussi. Il n'est pas encore tombé le double hit, il peut tomber d'un moment à l'autre. Hein. Oui. Dès que vous entendez Nash enchaîner avec 21 Pilots, c'est ou l'iPhone 7 ou alors vous êtes invité au concert VIP tout frais payé de 21 Pilots au Zénith. Oui. Mais tout c'est frais payé, un transport, hébergement, la totale et tout. Et que ça continue de marcher grave pour rencontrer Shawn Mendes à Amsterdam. C'est bien, avec Loris qui vous accompagnera. Ouais, vous allez devoir supporter ce week-end. Vous avez prévenu et malgré tout, vous inscrivez, vous êtes ouf. Ah oh, si, quand même, Shawn c'est Mendes, cool. C'est Loris qui vous filmera, qui fera des images. On mettra tout ça sur la chaîne YouTube, sur energie.fr. Et surtout, vous le voulez savoir quel est le pays le plus infidèle en Europe? Allez, ouais, vas-y. Allez, je vous écoute, d'après vous, qui peut être infidèle? L'Italie. L'Italie. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Les Italiens, macho. Le cliché, parce que les Italiens, c'est. Eh, si, je n'ai pas de voiture. Les femmes. Le Viagra est tombé dans la voiture. Comme espagnol. C'est espagnol ou italien, ça? C'est un mix des deux. C'est un mix des deux, en fait. L'Italie, le cliché. Ah oui. Eh ben oui. Mais t'aurais dit que c'est ça. Merde. C'est donc les plus infidèles, mais. Nous, on est bien ou pas? On est deuxième. On est ex aequo premier, les gars. Pas de chance. Nous sommes 55% des hommes à avoir déjà trompé leur chérie. C'est énorme, 55%. Et 32% des femmes, hein, vous n'êtes pas mieux non plus. Ouais. Ah, il y a plus d'hommes que de femmes qui trompent, c'est étonnant. Bah oui, c'est étonnant, parce que ouais, moi, je pensais... Arrêtez les gars, c'est quand alors, même les mecs moi, qui je pensais que vous étiez des grosses gourgandines de ta race. Bah oui. Et que nous, on était des mecs, mais clean. Bah oui, bah bien carré. Sûr. Tu vois, vraiment... Mais bien sûr. Pas déroutable, enfin, moi, perso, ça m'est jamais arrivé. Mais non, ouais. Moi, des nanas qui viennent te voir, sans moi, elles viennent, tu fais non. Il y a plus de nanas qui se font tromper que de mecs qui se font tromper. Bah c'est pour ça que ça m'étonne beaucoup. Ouais. Moi j'ai jamais trompé et j'ai jamais entendu quelqu'un, un homme qui avait trompé son alors, de mon entourage. Moi je suis d'accord avec Guéguette, je n'ai jamais entendu eu un pote ouais. Ou entendu qui a trompé un copain nana. Ou un mec qui trompait sa nana. Bah, bien par sûr. Contre des salopes qui ont quitté leur oh là là. À l'appel, à l'appel. Il y en a eu. C'est toujours nous, c'est toujours nous. Qui ont trompé. De toute façon, c'est toujours nous. Elle est fausse. Non, ça, c'est une légende, c'est comme le Dahu. Ça n'existe pas. Mais bien sûr. Non. Alors, combien de nanas, et moi j'en fais partie, on s'est fait tromper par des mecs et on en a pleuré. Non, mais t'imagines, c'est des légendes. C'est comme Shaim qui sort du public, il la rattrape, ça, c'est des légendes. Non, c'est 1 sur 2. C'est plus d'un sur 2. C'est énorme, 1 sur 2. Troisième position, l'Espagne. Sur le podium. Ah tu vois bah les oui. Espagnols, j'étais là avec mon accent tout pourri. Les Espagnols, vas-y, hein. Le con cuenta por favor et tout, machin. Bim. Cuenta por favor. Mais tout ça, c'est les pays. Ils le disent d'ailleurs dans l'article, ils disent c'est les pays latins qui sont chauds. Ouais. C'est normal. Chaud, ouais. Pays latins. Si on m'avait dit au collège que faire du latin, ça permettait de niquer, je te jure que j'aurais fait du latin. Parce que moi, je me suis fait chier à faire de l'allemand avec Rolf Ungisela, Zinkindi Garden, pour niquer l'allemand, vas-y. Les Allemands, ils sont combien là-bas? Ils sont même pas dedans. Pas dans classe. Mais l'allemand, ça baisse pas, ça prend de la Mercedes, ça va à la fête de la bière, ça fait ça, c'est bien, bonne soirée. On va dormir. Voilà. Si on allait dormir, on arrachait de grosses, c'est chou-croûte, ça baisse pas. Ça mange, ça boit, c'est tout ce que ça fait. C'est vrai que les Allemands. Alors que français, italien, espagnol, bim! Les chauds lapins! Voilà. Ils sont beaux gosses, les Italiens, pour le coup. Bah, les Français aussi. Même les Espagnols. Parce qu'on est quoi? On est pourris. Ouais. Bah, si, mais ils ont quelque chose en plus, je trouve. Ouais. Tu vas te calmer, toi. Les Français, on est kiffés dans le monde entier. Ouais, les French lovers. Ouais. Alors, t'as entendu parler des Italian lovers? Si, mais j'habite en France, donc je vois tout le temps des Français, mais des Italiens. T'es déjà tapé un Italien? Non. Un espagnol. De toutes les nationalités que t'as connues, t'as jamais eu un italien. C'est bizarre. Non. Non, parce qu'à chaque fois que Julie voit l'Eurovision avec les pays, elle fait ça, j'ai fait. Elle remet des notes. Ouais, ouais 12 points pour l'Italie. La dernière fois, elle a entendu l'Estonie 2, elle a dit non, ça valait 18. Mais pourquoi tu me fais passer? On va revenir demain, vous laissez une bonne bisous. Dès 19h sur Énergie. Notez bien, à partir de 22h, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, sur Énergie, bonne soirée les mecs, on y va, il est 22h01, Guillaume Radio 2.0, comme tous les soirs. On se retrouve hein, chaque soir. Major Lazer, Justin Bieber, après on se fera Cold Water. Putain, depuis tout à l'heure, on attendait, on est dans le studio. Chaud comme la braise. Bon, j'espère que la journée a été bonne, on se fera le nouveau Pitbull avec Florida là, qui déchire. Hein. Celui-là, là. À la nouveauté aussi. Salut la team, pourriez-vous me donner des explications sur le nouveau jeu, c'est-à-dire les nouveaux jeux? Bah ce soir c'est les pervers. Ouais. Comme on fait depuis très longtemps d'ailleurs, c'est un classique. Le mardi on ne touche pas au mardi sur Énergie. De 22h à minuit, on se retrouve. Je m'appelle Guillaume, c'est Guillaume Radio 2.0, les deux dernières heures de la journée. Il y a Julien le stagiaire qui est là chaque soir aussi. Ouais, je suis là, salut Guillaume, ça va bien la journée, ouais. Ouais, très bien, impeccable. Le truc le plus intéressant qui m'est dit aujourd'hui, c'est je suis pas allé au chiottes après la définition. Ah bon, moi je demande. Il y a pas de problème. Ah mais on sait jamais pas qu'il y a un souci ou quoi. Il y a des musiques et tout, il fait non mais je veux que tu saches et tout, je dis merci, le stagiaire. On parle de tout, c'est important. Ça va, j'aime du standard. Les gars, moi ça va au taquet. Bien la journée, ouais. Ouais, au top, tranquille. T'as mis ton petit short de pêche. Et mis son petit short de son jean. Il est mignon, son petit short pour tourner. Vas-y, évidemment. Il fait très efféminé comme ça, très précieuse. Ah, ça lui va bien. Il fait un peu efféminé. Ah bah le haut aussi, c'est pas. Il fait un peu penser au short de Jules dans. Ah non, il est plus que la mèche de Jules. Comment il s'appelle ce morceau? Jules le rappeur, il a fait un clip. Ouais, je sais. Et dans le clip, il fait une petite danse comme ça. Vous avez vu la vitesse à laquelle j'ai mis Brigandé? Ouais, fort. Bravo, ça va vite là. Ça va Julia? Salut Guillaume, salut tout le monde. En fait, on aurait dit qu'il a volé le short de Julia. Ça va la journée, tranquille, ouais. Ça va, une chaleur à crever. Ah, c'est clair. C'est un sauna là. Il fallait se mettre en short comme JM du standard. Voilà, c'est un short de femme. Ouais, ouais. Et là, c'est respirer les jambes. Ouais. Je veux dire, tu mets un short comme JM du standard, tu peux faire la Fashion Week de Milan. Vous avez vu la Fashion Week de Milan? Il y a des mecs qui ont. La Fashion Week de New York. Là, avant-hier, le 12, donc c'était hier. Ouais. Y a des mecs qui se sont branlés, en fait, des mannequins, ils se sont branlés sur leurs mains, ils ont mis sur leur front leur sperme. Ah, c'est dégueulasse. C'était le principe du défilé, il fallait chacun mettre leur sperme sur leur front. Et s'autoriser. Il y en a qui goûtent et tout. Énorme. Ouais. Quoi. Ouais. Il y en a qui avaient vraiment beaucoup de sperme, et il y a des Renois, genre, qui en mettent sur leur crâne. Ah oui. Ça se voit rasé. Plus. Et, ouais. Non. Et en fait, genre, ils avaient une quantité de sperme, les mecs. Et en fait, ils défilent et c'est passé sur la Fashion TV, tout ça. Ah ouais. C'est du porno. C'est mort de rire. Il y a des traditions comme ça. Sexuels un peu bizarres aussi qui sont sortis. Ah oui, exactement. Ouais. On fera le classement tout à l'heure. Exactement. Ah là, putain, il rebondit. Ah écoute, je me suis perdu. Il a son short porte-bonheur. Ah ouais, voilà. On va faire une bonne émission. Il est dans ce short. Ah ouais, voilà. Hein. Il est dans ce short. Dédicace à Loan de Adrien. Un plaisir de vous retrouver tous les soirs, vous déchirez mon sang, mon Florent du 37 aussi. Je me régale tous les soirs au boulot avec vous. Salut Jean Le Corse. Bonsoir à Jean Le Corse aussi. Salut Jean. Alors JM du Sandin, ouais. Tu disais, ouais, on a récupéré les classements, ouais, c'est ça. Des traditions sexuelles les plus insolites chez l'homme. Ouais, c'est ouf. Ouais. Dans les tribus et tout, genre il y en a, ils se coupent le sgeg quand ils sont petits. Après ils sont morts. Bah non, après ils se reproduisent. Ah, je sais pas comment c'est possible. Ils sont efféminés. Ah, vraiment, non. Je vais vous dire les trucs, vous allez halluciner. Hein. On a d'ailleurs trouvé, il y a une tradition sexuelle dans la famille de Jean Stagiaire. C'est quoi ces attaques déjà là? Ça me plaît pas trop. Hein. Ce sera le truc le plus bizarre. Ah, tu parles de ma famille. C'est quoi? Tempête dans le 86, plus de courant. Heureusement la radio marche pour vous écouter. Salut mon Dimitri du 86. Ben département vigilance. Ouais. Ah ouais, le temps est bizarre. Il fait très chaud, très froid. Il y a de la neige. Neige. À 2500 mètres dans les Pyrénées-Orientales, il y a eu à la fois. Putain, il y a de la neige. Sur 60 km, je peux le dire, j'ai vu les bulletins météo. Je suis sorti longtemps avec une miss météo. J'ai encore les contacts. Ah ouais. Non, mais sans blague en plus, c'est pas vrai. Mais il a neigé sur le mont Canigou à Perpignan, pour ceux qui connaissent. Nous, non, à 60 km, il y avait des intempéries, ça tombait sévère. Et à 60 km encore plus loin, c'était grand soleil avec. Il y a le iOS 10, hein, ceux qui ont des iPhone 6. Vous pouvez télécharger le logiciel de l'iPhone 7 dedans. La mise à jour. Je suis en train de le faire, il y en a pour une heure et demie. Voilà. Non, ah, ouais. C'est vraiment. Voilà. J'ai mon petit poulet qui fait du bruit comme aux États-Unis. On a acheté le poulet qui fait du bruit. Il y a plein de vidéos sur Internet qui tournent avec. J'aime le standard. Et moi, j'ai la vidéo des mannequins qui défilent avec du sperme. Ah. Et on le voit, le sperme. Demain, je mets dans tes PMP ça. Ah ouais. T'as pas le droit. Il faut juste que Cyril Hanouna me valide. Ouais. Et s'il me valide, je mets le. Ou alors, tu fais toi au pire. Il y en a, ils ont des sacrés coups. Ah non, mais c'est. Non, mais franchement, ils sont à plusieurs, non. C'est pas du fake, tu vois. Non, ça se voit. Ça peut être de l'huile, ça peut être. Ça se voit. Du lait. Non, mais juste à quel moment le mec il dit alors, vous allez vous gicler sur la gueule et puis vous allez défiler et puis les mecs ils font ouais, ok, super. Ouais. C'est Cacharel, c'est la vie. C'est ouf. Non, je rêve pas, ma voiture affiche 27 degrés, j'ai chaud. Ah. Vous m'avez manqué, vous êtes aussi parfait comme animateur que Kidver en tant que chanteur, je vous kiffe. Salut à toi. Salut. Merci. Et n'oubliez pas la blague de 22h09. Hein. Salut Ibrahim. Bien pas. Sûr, la blague de JM du Sandard tous les jours, 22h09. On fera les pervers tout à l'heure, le classement des traditions sexuelles les plus bizarres au monde. Le juste prix, on a des cadeaux à vous offrir. On a des Xbox One S et des PS4 à vous offrir aussi. On a plein de trucs à vous filer. Et juste le premier qui est là, c'est Cyprien. Bonsoir Cyprien d'Avignon. Je sais pas si c'est qui, papa? Hey, salut. Qui, papa? Yeah. Salut. Ouais, ça va ou quoi? Enchanté. Super. Qu'est-ce qui t'arrive, Jim? Je sais pas. J'étais content. Il y a un truc là. Bon, bah, enchanté, Cyprien. 15 ans du 84 du Vaucluse. Ouais, dans le sud. Et bah, merci de l'appeler. Merci beaucoup de passer un petit coup de fil, mon Cip. Tu fais quoi dans la vie, mon Cip? Mon Cipou? Je suis en seconde. Ouais, très bien, c'est bien ça. Seconde pour faire quelle première? Après, tu sais un petit peu où tu vas aller ou pas, non? Première S, ouais. Je vais essayer, puis pour devenir veto. Alors, est-ce que t'as entendu, bravo, est-ce que t'as entendu juste avant que je parle des cadeaux, est-ce que t'as entendu les cadeaux qu'on avait offert ce soir ou pas? C'est drôle. Ouais, t'as un peu bugué d'ailleurs sur les cadeaux. Non, j'ai pas. Il y a eu pire, attention. J'ai fait exprès de bugger. Ouais. Non, mais en plus, c'est vrai. J'ai fait une Xbox One S. Alors, ceux qui étaient là hier vont comprendre pourquoi. Ceux qui n'étaient pas là hier, vous allez comprendre. C'était un festival. Parce que Flo des cadeaux, notre responsable des cadeaux, qui est là. Bonsoir, Flo des cadeaux. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, tout le monde. Parce que Flo des cadeaux nous a fait le plaisir. C'est pas bien. De prononcer mal les Xbox One S toute la soirée. Ah ouais. Il a commencé par dire, c'est Flo dur. Des cadeaux, qu'est-ce qu'on a à offrir? On a les PS4 et les, ouais, Xbox One, hein, c'est PS4, ça. PS4, Xbox One. Ensuite, il nous a dit, on va avoir des nouveaux cadeaux, là, Flo des cadeaux, cette semaine. Alors, il y a des Xbox... Oh là. Quelques minutes après, c'était... Xbox One S. Voilà, il n'a pas réussi à dire. Et une demi-heure après... Alors, il y a des Xbox... Oh là. Ce n'est pas sorti. Ce n'est pas sorti. Voilà, Flo des cadeaux. C'est pas facile à dire. Non, mais pour vous dire la vérité, j'ai pas fait exprès de bugger. En plus, j'ai bugué aussi. C'est pas facile à dire. Donc voilà, Flo des cadeaux. Xbox One. Désolé. On le soutient. Guillaume, au début du texto, les mecs, hein, si vous voulez balancer une petite dédicace, un petit message à l'antenne, on les passe ensemble les soirées, hein, les gars. Guillaume et votre message, là aussi, ils sont 12. Hein. Salut la Dream Team, super ta chronique à TPMP, la qualité mène toujours. Merci, félicitations poteau. Coucou la team RCEA Ghost 18, salut frérot. Salut. Ah bah, c'est gentil. Hein. À ma meilleure pote Marie depuis 10 ans, moi là, Jérémy. Pour ta meilleure amie. À Fort Boyard, Olivier Dion et Damien Sac ont dû manger du surstromé avec des couilles de coq. C'est super. Ah merde. Ça n'a pas de couilles, un coq, si? Bah si, c'est un mec, un coq. La nuit dernière, aux deux Alpes, il neige sur un glacier à 3006 et là je suis au volant avec un camion à bord, j'ai fait 27 degrés. Salut mon Cyril. Salut. J'ai un stagiaire alias Johnny Calvici. Oh non, alias. On devrait prendre son sperme et se le mettre sur la tête pour que ses cheveux repoussent. Mais jamais de la vie. Enfin, si ça marchait vraiment, JM du Sandard aurait une plus grosse barre avec toutes les fellations qu'il lui a fait. Mais non. Big up à la belle Julia. Bisous. Salut à toi. Je sais pas qui a balancé les messages, j'ai pas la suite du message. Ah, c'est grave. Vous commencez votre texto par Guillaume, vous me le balancez au 6-11-12 et je le lis à l'antenne quelques secondes après. Sur Énergie, c'est le principe de cette émission. On est en direct, c'est pour pouvoir lire vos messages. Et il est 22h09, mon Cip. Excuse-moi, mon Cipou, deux secondes. Excuse-moi, mais il faut absolument. Attends, merde. Attends, j'ai voulu appuyer avec le poulet sur l'écran. Ça marche pas. C'est mon poteau, je l'aime, mais il m'ignore. Tous les jours, une couille. T'es mon Dieu, t'as pas de boule. Vous allez envoyer une note sur 20 pour JM du Standard, c'est la blague de 22h09, attention, top, on y va. Alors c'est le client d'un hôtel qui se rend au bar de l'hôtel, tu vois, pour passer un peu de temps. Il s'installe au bar, il commence à parler au barman en disant « Aux informations, j'ai entendu que François Hollande dire que… » Et là d'un coup le barman il arrête, il fait « Non, stop, ici on parle pas de politique, c'est un sujet de dispute. » Le mec il est dégoûté, 5 minutes après il retourne voir le barman et il fait « Vous avez vu le nouveau pape ce qu'il a dit ?» Et là d'un coup le mec il arrête, il fait « Non, ici on parle pas de religion, c'est un sujet de dispute. » 5 minutes après, le client il tente encore d'engager la conversation. Il dit au fait, vous avez vu le match de l'OM ce week-end et tout? Et d'un coup, le barman il fait non, ici on parle pas de foot, monsieur, c'est un sujet qui déclenche les bagarres. Alors le client il lui demande, on peut parler de quoi ici? On peut parler de sexe? Et le barman il dit oui, ça on peut. Et là, le client il regarde, il dit ok, ben va te faire enculer! C'est très violent là. Ah ouais. De jour en jour, il y a un peu. En fait, j'ai l'impression que Jim Zola, il a appris toutes les blagues en soirée. Mais plus il buvait, c'est plus c'était sale. C'est de plus en plus trash là. Ah ouais, je sais. La violence. Un mec qui va dans un bar. Ouais, c'est ça. Très bien. Et ben, merci beaucoup. Choqué un peu. Magnifique. On a bien fait. Je vous rappelle que, comme dirait Flo des cadeaux, tout à l'heure, Joseph, les consoles. Alors, il y a des Xbox. Oh là. Merci. Xbox One S. Voilà, ça va sortir. On vous les file, les Xbox One S. Les Xbox One S, il y aura les PS4 aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Est-ce qu'il y en a qui peut me dire par SMS les nouveautés sur l'iOS 10 là, les nouveautés sur iPhone là, ils ont mis un nouveau logiciel, mais à quoi ça sert? Avant qu'on se fasse Gim, c'est Jules. Je garde de la foi, je suis le chasseur de la foi. Ouais. Ça va de soi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop du, je fais ma soirée. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Il reviendra, Jules, là, quand il ressortira. Avec plaisir. On invitera dans l'émission, Jules. Il est venu que chez nous, hein, t'as vu. J'aime Sandard. Demain ou après-demain, il ressort l'album gratuit. Ah, bah voilà. Plongé dans le monde de la vie. les arrières. Dédicace au routier nuit de chez Laë. Salut Steven, à toute la 3ème 3 et à Yann, Alexis, Anto, Joe Boubou, Thomas, Baptiste, à tous les autres. J'espère que les courses se sont bien passées, les mecs. En tout cas, Maître Gim, c'est Joe Labret, Boucan, on se calera. Pas mal la blague, 13 sur 20. Carole du 7-9, dédicace à mon collège Pierre Puget. Demain, pas court au KLM. Salut, 13 sur 20, 17, 20, 16, 20. Il m'a tué, j'ai fait un avis. 8, 10, 0, Antonin. Oula. Salut à toutes, la petite dédicace à toute la Terre. Même si le monde part en couille, 20, 20 pour JM du standard. Merci beaucoup. 20 de la merde en boîte, sa blague. Magnifique la blague de JM, on a un Cyril du 84. Salut. 20 pour le petit JM Yves de Nancy. Merci. Salut, vous écoutez depuis une semaine et au top votre émission, vive le 07. Salut Gigix. Bonsoir, salut, Gigix. Salut. L'horaire de Flo des cadeaux me fait trop marrer. Salut Sarah du bon. Merci. Xbox One S, salut Zaina. Allez, je vous les file juste après les cadeaux, je te vois. Les Xbox One S, on vous les file, les PS4 et les tablettes Samsung Galaxy Tab. Il y aura des iPhone 7 aussi, des Ouais, chose, ouais. Il est toujours pas redémarré mon téléphone. Non, toujours pas, non. Je vois la pomme ici, quoi. Il est même pas à moitié. On en est où là? On en est où? C'est à la moitié, à la moitié. Sûr, attends, ça fait combien de temps que j'ai mis là? Bah, ça fait une demi-heure, non? Tout juste. Ouais, un bon quart d'heure. Ouais. Ah, putain, la moitié, quoi. Putain, c'est long, hein. Et bien après, ça va re-télécharger un truc, ça va s'installer. C'est long, c'est long. En même temps, c'est le wifi qui est pas rapide aussi, donc pour télécharger 1 giga, je crois, ça fait le. Ça rampe. Est-ce qu'il y en a qui vont me dire à quoi est ça cette mise à jour? Heureusement, vous êtes là, je vous aime tellement, mon rêve est de vous rencontrer, signé. Sinon, dédicace à Khalil le BG, qui me dit tout le temps de me suicider quand je descends du trottoir à 1m54, ma gueule. Salut, bisous, Laura. Gros bisous, Laura. Salut, bon courage. J'embrasse ma chérie, merci beaucoup. Bonsoir à toi. iOS 10, ça bug grave, installe pas, j'ai essayé. Merde, trop tard. Ah, tu peux encore peut mieux faire 10, j'ai entendu mieux. Je vous invite en Corse quand vous voulez. Merci, mon Jeannot. C'est gentil pour le, merci, pour le message en Jean. Et puis, Cyprien, mon Cipou, qui a appelé d'Avignon. Qu'est-ce qui t'arrive, Cipou? En gros, il m'arrive un truc de ouf, là, il y a pas longtemps. Ouais. Genre, on était avec une bande de potes. On a créé un compte Facebook sur un mec paumé qui est dans la cour et tout. Ouais. Pour se foutre de lui, tu vois. Ouais. Et on avait mis des photos et des commentaires et tout qu'il ne mettait pas en valeur. Mais du tout. Ouais, c'est pas genre, sympa ça. C'était quoi? C'était un mec que vous aimiez pas, genre? Eh ben non, mais personne n'aimait. Ouais, mais bon. C'est pas une raison. Ouais, c'est pas. Il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Non. Non, c'est vrai, hein. Un homme sera d'autant plus élégant que d'aller chercher un mec et de lui tendre la main quand il ne va pas bien. Faut être classe. Que de... Non, mais c'est vrai, non, mais attends. T'es un peu poète, mais là, franchement, toi. Non, mais alors moi, non. Ma scolarité, je l'ai passé à aider les mecs qui étaient un peu rejetés, je te jure. Je me suis même embrouillé avec des mecs. Non, parce que moi, ça m'a toujours énervé, les moutons. Qui vont souvent c'est les mecs les plus intelligents qui sont un peu rejetés à l'école. Ouais. Et quand j'arrivais parce que moi j'ai changé tout le temps de classe en fait, j'étais un peu normal de l'école. Et avec mon père qui déménageait, mes parents qui déménageaient et tout, et quand j'arrivais dans une classe et je voyais un mec un peu rejeté, souvent c'était les mecs les plus matures. Ouais, je jure, non mais alors, très souvent hein, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai un stagiaire, il était jamais seul. Bah, j'étais pas rejeté, ouais, donc. Non, mais c'est pas question d'être rejeté, c'est souvent les gens seuls, etc. Faut pas croire que c'est les mecs les plus bêtes ou quoi. Ça, c'est les surdoués. Ça fait très plaisir. Il y a une sorte de revanche des geeks en 2016 avec tout le monde qui fait plaisir. Alors mon Cipou. Alors donc tu t'énervais un petit peu sur le mail, tu te foutais un peu de sa gueule. En gros, il t'avait rien fait lui, le mec. Ben non. Ah, tu vois, c'est ça qui m'attarde. Ouais, c'est pas bien. Ouais, mais bon, vas-y. Donc d'accord. Qu'est-ce que t'as fait là? Et en gros, il nous est arrivé une merde, quoi. Ouais. Un mois et demi plus tard, sa mère elle est morte, quoi. Elle est morte d'un cancer. Ouais. Et du coup, on était deck pour lui parce qu'il était déjà un peu dans la mouise, quoi. Ouais. Donc du coup, on lui a fait des excuses et tout, et depuis on traîne ensemble. Mais on était, enfin. Sa mère elle est morte un mois et demi plus tard, et du coup c'était un peu Ouais, mais après tu dois te sentir un peu coupable. Ouais. Pardon. Ah ouais. Un peu carrément même. Mais tu l'as dit que c'était vous qui avez fait les trucs et tout ou pas? Il savait que c'était vous qui avait les faux profils il savait que c'était nous. Ouais, c'est vrai, ouais. Il l'a su que plus tard. Ouais. Et vous excusez ou? Oui, quand même, oui. On est allé s'excuser et tout, et depuis le gars il traîne avec nous en fait. C'était un mec de ta classe? Ouais. Ouais. Ah, mais c'est bien. Ouais. Et sa mère est décédée un mois après, c'est pas bien. Ah, le pauvre. Ouais. Ah, le pauvre Thierry, là, putain. Et donc, le résultat, tu t'es retrouvé à aller t'excuser et tout. Maintenant, c'est un peu ton pote, genre. Ouais, à peu près. Ouais. C'est pas encore trop ça, mais genre, tu te fous plus de sa gueule, quoi. Ah, c'est déjà mieux qu'avant, quoi. Bah ouais. Il y a du mieux. Ouais, c'est déjà ça. Ouais. Ouais. C'est il faut pas le faire, quand même. Ouais, il faut pas non plus, bien sûr. Hein. Est-ce qu'il y a des fois où ça vous est arrivé où vous auriez dû fermer votre gueule? Ça, c'est un sujet très chic. mais par exemple, moi, je vais vous dire un truc. Hein, ça m'est arrivé il y a pas plus longtemps que. Il y a un patron énergie qui est arrivé un jour avec beaucoup de barbe. J'ai déjà expliqué ça ou pas? Non, j'ai pas expliqué. Ah, si. J'étais là. J'ai expliqué à la radio. Bah, à la radio, je sais pas. Je crois pas à la radio. Non, à l'antenne, je crois pas. Bref, il y a un patron ici qui est très gentil. Hein, voilà. Les patrons sont plutôt sympas. Quand on reste 5 ans sur une radio, c'est que les patrons sont sympas. Ouais, je vous le dis, on serait pas resté 2 jours. Et il y a un patron qui est plutôt sympa. Et un jour, il arrive, une cinquantaine d'années, il arrive avec une barbe et tout. Et je lui dis, putain, énorme. Voilà, je lui dis, énorme avec son prénom. Je lui dis, putain, ça te va hyper bien la barbe et tout. Le mec, il est dans un open space, un bureau ouvert, il y avait plein de gens. Et tout. ça. Il y avait quoi, une vingtaine de gens, je pense, qui ont pu entendre à peu près la discussion. Ouais. Et j'ai dit, ah putain, énorme, ça te va trop bien la barbe et tout. Et il me dit, ouais, j'ai perdu mon père, j'ai poussé. Et là, il y a une espèce de blanc. Moi, je me suis levé en plus, genre en mode à l'américaine. Énorme ta barbe et tout. Et là, il se retourne, il me fait, ouais, j'ai perdu mon père. Et là, là, il y a une espèce de blanc. Tout le monde s'assoit. Ah ouais. Le froid. Et je fais, oh merde, putain, excuse-moi. Il me fait, oui, chez nous, parce qu'il était juif. Il me dit, ouais, chez nous, les juifs, on se laisse pousser la barbe. C'est comme les musulmans, je crois, ils se poussent la barbe pendant un mois, non? Ah, je sais pas. Il y a pas un dos. 40 jours, je crois, non? Voilà, à peu près, quoi. Et il se laisse pousser la barbe, il dit, voilà, j'ai poussé jusqu'à l'enterrement, je crois, un truc comme ça. Oui, et donc je dis, ah bon, merde et tout. Et il me dit, tu peux pas savoir, t'inquiète. Mais tout le monde me dit que ça me va bien, donc ça fait plaisir. Et puis il a rigolé un peu dessus, quoi. Non, mais là, c'est un peu la fois où j'aurais dû fermer ma gueule dans ma vie, même si c'était pas méchant et qu'il m'en a pas voulu, voilà. Ça reste mignon. Et puis en plus, il était plus beau gosse avec la barbe. C'est vrai, ça lui va bien. Ça donnait un petit style un peu décontracté, quoi. Un peu charmant. Juste stagiaire à la fois, t'aurais dû fermer ta gueule dans ta vie. Bah moi, plein de fois, mais ces vacances, non, mais je te jure, c'est un peu mon sujet. Mais ces vacances, j'étais avec ma sœur et des amis à elle dans une maison de vacances. Et il y avait une amie à elle qui était là, tu vois. Et je sais qu'elle est mariée, mais il y avait pas son mari. En fait, elle est un peu piquante, tu vois, ça m'a un peu des vannes un peu méchantes, tu vois. Ouais. Et là, vous envoyez des vannes méchantes. Ouais, avec elle, elle me cherche un peu, je la cherche, tu vois. Et je dis, ouais, mais ton mari, pour te supporter, comment il fait, ça va, tu vois. Et là, elle se met à pleurer et elle part. Et là, ma sœur me dit que son mari venait de la quitter, genre avant les vacances. Ah oui, merde, tu sais. Et elle venait en vacances pour un peu oublier le truc, elle était mariée depuis 20 ans. Elle aurait dû prévenir ta sœur. Elle l'a pas fait. Et franchement, j'ai été un peu comme un teubé, tu vois. Ouais. Elle pleure, la meuf, c'est pas cool. Et t'as dit quoi? Après j'ai dit pardon, désolé. Mais t'as dit bah vous allez bien. Non. Et ton mari est où? C'est qui papa? C'était la surenchère, elle m'a attaqué, je l'ai attaqué et bim, je lui. Mais elle croyait que t'avais fait exprès? Bah non, elle savait que j'ai pas fait exprès, mais sur le moment ça l'a un peu piqué, tu vois. Après de là à se mettre à pleurer. Bah c'était une meuf, elle est sensible, tu vois, c'était récent en plus. C'est sûr. Et après t'es comme un con. Tu pouvais pas savoir. Non, je peux pas. Alors est-ce que ça vous est déjà arrivé? Venez nous raconter, hein, Guillaume, et votre message au 612, les fois où vous auriez dû fermer votre gueule. On se fait Claudio Capéo, il y aura Major Lazer juste après et le nouveau Maître Gims. Super de la foi. Avec Jules, on se fait Boucan juste après Claudio Capéo. C'est un homme debout sur énergie, les 22h18. Guillaume Radio 2.0, nous sommes en direct, hein, sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Venez follow, hein, Guillaume Play, P-L-E-Y. On se retrouve dessus sur énergie. Okay. Merci les potos d'être là, c'est un kiff d'être avec vous tous les soirs sur énergie. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le restant. C'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Même si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte, ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte.

lâcher, se laisser aller, à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Arrive à le faire pendant 2 heures. Sans s'arrêter. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, de retour avec Kenjo. Les emojis de iOS 10 sont trop moches. Ah non, putain, moi je viens de le télécharger, ça y est, je trouve ça mieux justement. Ah ouais, les emojis, je trouve plus jolis, ouais. C'est pas du sperme, c'est du gloss sur leur face. Non, non, je crois que c'est du sperme hein, sur le, ouais, le défilé. Ah, ça m'étonne ça quand se même. Ça ressemble, c'est bizarre. Ah, je trouve ça spé quand même. Il y a eu un défilé de mode où il y aurait eu du sperme sur le visage des mecs. C'était un délire, ça coulait et tout, c'est vrai, mais pourquoi du gloss? JM du standard, tu fais vraiment des blagues de merde. Moi j'ai beaucoup mieux. Ah, vas-y, c'est ton numéro. Grave. Je suis Johnny Calvici. Oh, non, vas-y, non, si non, tu non, veux, non. Appelle JM du standard, le mec qui veut faire des blagues. Ouais. Le mec qui dit qu'il a des meilleures blagues que JM du standard, on peut le faire passer, puis on verra bien. On va faire un match. On verra ce que ça donne, avec plaisir. Hein. On va retrouver au standard, vous êtes hyper nombreux à nous passer des coups de fil. Il y a Brendan. Bonsoir Brendan. Bonjour, c'est qui papa? Vous allez bien? Juste après on offre Xbox One S. Mais t'arrives pas à Xbox One S. Ça va, on dit comment ton prénom? Brendan, comme tu le prononces. Bah très bien, voilà, c'était au cas où. Eh ben enchanté Brendan, hein. Brendan, Brendan de Châteaubourg, dans le 35. Salut. C'est ça, dépistage radiophonique. Vas-y frérot, eh ben, dépistage radiophonique, on fait sauter la petite capsule. Allez. Eh ben c'est gentil, mais avant de se faire les pervers, ah oui. Ils vont être énormes les pervers. Non mais vraiment, il faut vraiment acheter pour les pervers parce que on va se faire les cousines là, les cousines internationales. Hein. Et on a eu Sophie Marceau-Domi, qui nous a répondu. On a eu heure de sperme, l'odeur de perme. Ah ouais, classe. JM du standard, il a chauffé des hommes toute la journée. Hein. Depuis c'est ce ça. Matin, 10h, il est sur les chats de cul. Que ça. On a eu Latex Avery au lieu de Tex Avery. Latex Avery. On a eu Emmanuel Macron. Au lieu d'Emmanuel Macron. Ah, oui. L'actualité. On a eu Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van des Dames. Ah, d'accord. Oh, Jean-Claude okay. Van Damme. On a eu quoi d'autre? On a eu Moumoun. Jean-Charles Canon. Très bien, Jean-Charles Canon. On a eu N'oubliez pas les cagoles aussi. N'oubliez pas les paroles. Là, il est plat. On va s'appeler après. Là. Bon, ça va, mon Brendan? Tu fais quoi dans la vie à Châteaubourg là? Ben, l'année dernière, j'ai fini mon unité tech de co sur 2 ans. Ouais, ça tech, ouais. Et là, je devais m'engager sur une alternance en banque, mais j'ai pas trouvé d'alternance. Et du coup, bah, on verra bien cette année ce que je vais faire, quoi. Je sais pas encore. D'accord, ok. Putain, bah écoute, sois le bienvenu, frérot. Tu voulais parler de des fois où il fallait fermer sa gueule. Hein. Des fois, on aurait dû fermer sa gueule, quoi. Voilà. C'est ça. Et t'aurais dû la fermer, ouais. Quand? Ouais, donc en gros j'étais en seconde à l'époque. Ouais. Et j'étais dans la classe, je m'entendais bien avec une fille et on était au coin fumeur du lycée et je sais pas pourquoi, enfin raconter que en gros dans la nuit son chien avait bouffé la pizza qu'ils avaient laissée sur la table. Et pour déconner, moi je dis bah non, bah ça c'était peut-être ton père qui avait bouffé la pizza. Sauf que du coup, en fait, son père était décédé il y a 2 ans. Et donc, du coup, pour essayer de garder le truc, enfin, de redonner le sourire, et j'ai dit, bah, c'est peut-être ton grand frère alors. Sauf que malheureusement, son grand frère était aussi décédé. Oh putain, t'as enchaîné. Ah ouais. Non, c'est vrai, ça t'a fait ça Merde. Ouais. Bon, maintenant, du coup, ça va beaucoup mieux. Hein. C'est ma meilleure amie depuis ce temps-là, du coup, c'est bon. Ouais. Ouais, je m'entends super bien avec. Mais c'est elle qui t'a dit non, il est décédé, puis après non, il est décédé aussi, genre. Ouais. Et du coup, j'étais trop mal. Et voilà. Puis par la suite, elle a aussi fait des boulettes par rapport à moi. Et du coup, on en rigole maintenant, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé, la pauvre, pour parler des deux d'un coup, comme ça, c'était genre un accident? Son grand frère, c'était un accident, en fait, au niveau du. Il est décédé pendant la nuit, à 17 ans. Il avait un problème de cœur, en fait, et ouais. Les médecins s'en étaient pas rendu compte. Et son papa, il a eu aussi des maladies qui ont fait qu'il a dû partir, quoi. Ouais, putain, un truc de fou. Ouais, donc ouais. Tu t'es retrouvé à faire des mauvaises vannes. J'aime du standard, ouais. Ça t'est arrivé aussi de faire une vanne ou de dire un truc à quelqu'un et t'aurais dû fermer ta gueule. Ouais. Ou alors annoncer un anniversaire surprise, par exemple. Ouais, pas forcément un truc comme ça. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Vous avez dit quelque chose et vous auriez dû fermer votre gueule. J'aime du standard. Ouais, moi, c'était pour un anniversaire, mais c'était pas surprise. En fait, on était en soirée et il y a un pote qui bouscule un mec. Et le mec, il lui dit, vas-y, calme-toi, tu sais pas qui je suis. Et j'étais à côté. Et je dis, mais de toute façon, ça me fout qu'il y ait, voilà, on est en groupe, voilà, s'il faut, voilà. Oh, on est tu là. As fait un peu le show, j'ai pas envie de fouiller mes pourquoi t'as fait ça? C'était quand ça? C'était il y a longtemps. C'était une semaine, déjà. Non, c'est il y a longtemps. Et le problème, c'est que le mec, en fait, il bossait ici et il nous a tous mis dehors. Ah, d'accord. Ils sont arrivés, ils nous ont tous attrapés. Et le problème, c'est que voilà, c'était l'anniversaire de mon pote en plus. Et on a fini la soirée. C'était 2h du matin. Et ils vous ont ils ont tous sorti. Voilà, il y a un fait un peu le show et tu t'es fait têche. Ah ouais, il m'en a voulu en plus. Ah, tu te voyais pas comme ça, j'ai le standard. C'est la seule fois où je l'ai ouvert et franchement, je l'ai regretté. Ah ouais, vraiment. Ouais. Et c'est à cause de quoi, mec, qui vous avez bousculé? Ouais, c'est un mec en fait, un bousculé au hasard. Et le mec, ça s'est chauffé direct. Mais il cherchait à merde lui un peu. Ouais, un peu aussi, c'est le beau, quoi, tu vois. Donc voilà, nous on était un peu chaud, on sortait de l'apéro avant d'aller en soirée. Et au final, ben voilà, c'était compliqué, quoi. Je suis dingue que j'ai pas entendu la blague de JM du standard. T'inquiète pas. T'inquiète pas, t'auras l'occasion de la entendre en voyant un mauvais spectacle de humoriste. Il y a Yannick qui est là, 43 ans, de Lalande en son. Bonsoir à toi, Yannick. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Salut, vous allez bien? Bienvenue, mon Yaya. Ça va ou quoi? Qui, papa? Enchanté, Yannick. Tranquillou. Ouais, tranquillement, ça va. T'es déjà passé à la radio ou jamais? Jamais. Ah ouais. Bienvenue. Oh là là, c'est bon, c'est bon ça. Dépucelage radiophonique. Voilà. Vous m'éclatez quand je roule, franchement, je me prends la gueule, c'est bien. Ah, c'est gentil, mec, merci beaucoup. Hein. Ouais. Entre toi, entre toute l'équipe le soir, là, Coué, machin, je peux prendre la gueule. C'est sympa, merci. Il n'est pas dans notre équipe, à Coué. Non, il n'est pas dans notre équipe, Coué. Il est dans l'équipe d'avant. Je sais qu'il n'est pas dans ton équipe. Et Manu aussi le matin. Et ah, voilà. Mais dis donc, tu connais bien les. Ah ouais, tu connais fort. Tu connais bien l'énergie, toi, c'est bien. Vous égayez ma journée sur la route, tranquillement, on se prend la gueule, et voilà. Merci beaucoup. Et ben, voilà. C'est pas de rien. Et bah, écoute, comme ça. Merci frérot, c'est super gentil. T'as découvert quand l'émission d'ailleurs à peu près? Il y a peut-être 3 ans, 4 ans. Ouais, ah ouais, putain, c'est bien. Et par hasard, en roulant en voiture, comme ça? Non, en camion, ouais, je roulais le soir, je dis tiens, je vais changer, hop, je suis tombé là-dessus. Puis bon, après, j'ai collé, quoi. Putain, c'est sympa, écoute. Ouais. Et tu t'es déjà branlé en écoutant l'émission ou pas? Non, sérieux, hein. Non, c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Non, c'est une vraie. Attends, c'est une vraie question. Bah, oui. Tu peux le dire. Et non, très, très simple. Vraiment, jamais branlé en écoutant l'émission, non? Dans la télé, non, au pire. Non. Déjà, quand vous faites les pervers, là, déjà, je dis putain, mais je dis, c'est quoi les dingues que vous appelez des fois? Ouais, c'est vrai que les pervers, on en a des bons. On va en faire une après. On va en faire un numéro. Là. J'ai son arrêt, il était sur les chats, on va en appeler là. Ouais. Franchement, ta cousine, elle a pas une voix très sexy, quoi. Attendez, alors, en fait, pour vous expliquer, le mardi, je me fais passer pour Mandarine. Je suis avec ma cousine. Ah oui, avec ma cousine. Avec Coucou Zine. Coucou Zine. Coucou Zine. Tu dois en expliquer les routiers, toi. Non, il n'y arrive pas. Si, j'y arrive. Non, tu n'y arrives pas. Attends, je refais. Coucou. Non, coucou. Coucou. Voilà. Ah, troisième fois. Oui, cousine. Et je suis avec ma cousine Bis. Coucou, les cousines. Et je suis avec ma cousine allemande. Ah. Mais bonsoir. Bonsoir. Enchantée. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, cousine allemande? Eh bien, je suis en train de revoir une dernière fois la Mercedes. Merci beaucoup. La voiture. C'est parce que c'est elle qui va m'emmener. Je vais faire croire que je suis chez ma cousine. On va les faire dans 2 minutes, les pervers là. T'es déjà allé voir une pute, toi, Yannick, en vrai? La question qui tue. Ça veut dire oui. Non, c'est vrai, non, jamais, jamais ou déjà fait? Ah, on dit, faut jamais dire jamais. Mais bon. Ah, il a niqué la pute, il a niqué la pute. Hey, Guillaume et votre texto 612, les mecs, on est connectés parmi, par l'écran. Hein. Vous m'envoyez un SMS dans votre lit, vous êtes sous votre couette, il arrive sur un média international. Faut quand même se rendre compte de ce délire à la radio. C'est quand même le seul média au monde qui permet de faire ça, quoi. Vous m'envoyez un message, il arrive ici sur l'écran et je le lis à l'antenne. C'est quand même un truc de fou, ça vite, quoi. Voilà, Guillaume et votre texto 612. Essayez, vous allez voir. Essayez, c'est satisfait ou satisfait, parce que vous êtes tout satisfait. Là, je vous le dis vraiment. Il n'y a pas de SAV là, par contre. C'est l'équipe, moi je suis en internet, je suis censé dormir, mais je préfère vous écouter quitte à avoir une heure de call. Merci, c'est gentil. Salut. Bravo. Ah, c'est super gentil. J'adore jusqu'à qu'ils disent de faire enculer bien fort la blague. Ah, c'est la blague que j'ai besoin là. Gros défi au quatrième de la Brasse Saint-Brieuc. Bonsoir à toi. Mamadou et Ted, le BG Elfried du 67. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon yaya? Alors, c'était quoi? C'était quand que t'aurais dû fermer ta gueule? C'était le sujet. Est-ce que vous avez déjà un moment où vous auriez dû fermer votre gueule? Vas-y, raconte. J'aurais dû fermer ma gueule. Raconte. Le problème, c'est que moi, voilà, j'arrive chez un client comme ça, et puis je vois une Mercedes pourrie sur le parking, modèle élégance. Tu vois, la Mercedes Break, modèle élégance. Mais la bagnole, elle était pourrie. Et je dis au carré, je dis, putain, la bagnole, le mec, il se fout de notre gueule, le modèle élégant, elle est pourrie. Il me dit, ouais, t'es gentil, c'est ma bagnole. Bon, déjà. Oh putain, première, c'était un client? Ouais, je suis un client. Ah, c'est drôle, ça, c'est drôle. La voiture, elle était au carré. À chaque fois, moi, quand je discute avec les carrés, tu peux être sûr, il m'arrive une galère. Ah, c'est vrai, ouais. La dernière fois, pareil, j'arrive chez Renault, comme ça, bon, t'as plein de carrés sur les quais. Et puis, je vois une petite meuf, là, vraiment mignonne, tu vois. Et le mec qui s'occupe de moi, donc il commence à décharger le camion et tout, je dis, putain, elle est bonne la meuf là, la Carice là. Il me dit, ouais, t'es gentil, c'est ma femme. Mais non, elle est bonne, elle se débrouille bien avec le mec. Ah, c'est drôle ça, ah, ouais, c'est marrant ça. Ça, c'est rigolo. Pas que des trucs comme ça, tu vois, où la dernière fois, enfin, on a eu une embrouille. J'étais le seul à dire vraiment ce que les autres pensaient tout bas, ça m'est retombé dessus, quoi. Il faut faire attention quand on parle. Ouais, ça, c'est sûr. Tu réfléchis pas. Ouais, mais justement, c'est ça le problème, c'est que quand tu réfléchis pas, parfois tu te fais un peu défoncer, quoi. Moi, ouais, je parle d'abord et je réfléchis après. Ah, exactement. T'es comme moi. Non, c'est bien, c'est mon problème. Yannick, voilà, qui est là, de la lande en son dans le 60 et qui dit des conneries. Flo, des cadeaux, c'était déjà arrivé de te dire que t'aurais dû fermer ta gueule sur un truc. Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'était en soirée avec mon pote, il y avait une fille qui me chauffait un peu. On dansait ensemble et elle me disait des trucs dans les oreilles. Et en fait, je suis allé voir mon pote dans la soirée et je lui ai raconté tout ce qu'elle me disait, sauf qu'il y avait son mec à côté. Et donc, en gros, il est allé la voir et on les a entendus s'engueuler pendant toute la soirée, quoi. Parce que t'avais balancé, quoi. Bah, parce que moi, je parlais à mon pote et lui, il était à côté. Je savais pas que c'était son mec. Je savais pas qu'elle avait un mec d'ailleurs. Et quand il a entendu ce que je disais, il est allé la voir, ils se sont engueulés toute la soirée. Attends, mais en fait, c'était un de tes potes, le mec, mais tu savais pas qu'elle sortait avec lui. Non, je suis allé voir mon pote qui était à côté de lui. Tu parlais trop fort, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, ouais. Et lui, il était à côté de nous. Ah oui, j'ai compris. Toi, en soirée, ouais. Tu fais mais pas t'as dit attention. Quoi, genre, t'as trouvé ça sur elle? Non, c'est elle qui me disait des trucs sales quand genre on commençait, quoi. Mais genre, elle voulait te chauffer? Ouais, elle voulait me sucer, en gros. C'est pas vrai? Si, ouais. Alors qu'elle a un mec à côté. Mais à quel moment on veut te sucer en soirée? C'est un truc échangiste. C'est quoi ces soirées, là? Je veux dire, à un moment donné. Ça arrive de après, peut-être qu'il a mal compris. Non, t'inquiète, ça m'est quand même arrivé de faire des soirées et jamais. Enfin, si, mais. Personne n'aime sucer, moi. Non, mais genre vraiment en mode gym standard. Si, ouais, une ou deux fois quand même. Oui, non, mais une ou deux fois, mais lui, à chaque fois, il te raconte toujours des trucs, t'as l'impression qu'à chaque fois, il sort. Mais c'était pas en début de soirée, tu sais, c'est que la soirée, il était un peu tard et on était chaud tous, et voilà. Après, ouais, peut-être qu'à chaque fois, il parle de la même soirée. Vu d'un autre angle. Non, mais c'est vachement bien. Tu t'es fait sucer par cette fille, non? Non, pas du tout. Elle était en couple alors. Elle était en couple et ils ont fini la soirée à s'engueuler. Et t'as pas sorti ton zizi? Ah bah non, ouais. Là, non. Ouais, t'as pas essayé. Bah là c'était mort, ou alors je lui demandais, mais. C'est de la merde, ça bug tout le temps, j'ai perdu des données et tout, les smiley échanges aussi. Ah merde, putain. Ah ouais. À tout de suite, je télécharge iOS 10 aussi, salut les mecs. Salut. Elle sert à faire bugger ton iPhone pour passer au 7. Ouais, je sais. Au top, votre émission, content d'être avec vous ce soir. Warren et Chou, des pulls à piste. Bonsoir Flo du 56. Salut. Grosse dédicace au quatrième de Lebra. Bonsoir à toi aussi. Salut à tout le monde. Hein. Merci à Bastos aussi du 73. Salut à toi là. Merci hein, pour les messages là. Salut Mimi du 44. Bonsoir Mimi là. Bisous. Merci Mimi. Merci pour les messages. JM a du nez pour les bonnes blagues. Ah, merci. JM Sandra, il a un petit pif. Hein. Ouais, petit. Pour iOS 10, il y a les notifs qui ont changé. Il faut appuyer deux fois sur le bouton Home pour déverrouiller. Bisous Karine. Merci Karine. Merci Karine Play. Gros bisous à toi ma chérie. Est-ce que vous avez déjà eu une fois où vous auriez dû fermer votre gueule? Il y avait Laurence qui a appelé. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Laurence de Toulon. Oui. Vous êtes Laurence de Toulon. Oui, Lolo pour les intimes. Ah. Ah. Enchantée avant les pervers, Laurence. Vous êtes la dernière femme propre à passer ici. Ah. Ouais, propre, Laurence. Je sors du boulot, c'est pas gagné. C'est pas toi qui as fait un risotto pourri dans Cauchemar en cuisine qu'on a fait un risotto. Bon, bah, enchanté. Alors, merci d'appeler. Hein. Et puis après, on parlera des traditions sexuelles les plus étranges du monde avec les 8 traditions sexuelles. Et la 9e, ça sera la famille de Julien Stagiaire. Bon, attention, tranquille. Hein. Nous a raconté molo, un molo, je sais pas si j'aurais le droit de la raconter. Justement, j'ai rien dit. Donc, on risque de se prendre le CSA. Bah, je interdit aussi. Comme dirait Julien Stagiaire, molo. Non, mais le mec, il parle de ma famille et du sexe. Tranquille. Vous avez vu qu'il y a un mec qui est mort avec un AVC. On lui a fait un AVC. Pardon, il est mort à cause d'un AVC causé par un suçon dans le cou. Ah, j'ai vu ça. Ah, ouais, c'est ouf. Et moi, qu'une fois ça a claqué. C'est une veine. Il y a une fille qui m'a fait un suçon tellement fort, ça a fait plaque. J'ai senti dans mon cou, ça m'a fait un énorme bleu. C'est le but, hein, c'est que ça saigne. Elle a fait péter la veine. Ouais. Et en fait, il faut faire attention au suçon, je vais juste vous le dire. Ça sert à rien en plus. Attends, un mec de 24 ans, voilà, il s'est fait sucer le cou. Et après, ça a fait un caillot de sang. Il est remonté au cerveau, il est mort instantanément. Est-ce qu'elle est en prison, la meuf, ou pas? Non, mais c'est pour vous dire, il faut faire attention au suçon si vous faites sucer. Le coup, ça sert à rien. Mais ça peut vite, ça peut être mortel. Et un suçon à la bite, il y en a pas. Je me suis dit, un suçon à la bite, je pense pas. Mais c'est une question. Mais je voulais vous le dire quand même, parce que c'est quand même important. Si un jour je peux sauver la vie d'un mec qui se va se faire sucer le cou. Le suçon dessus, quoi. Non, mais attends, c'est quand même un truc de fou, quoi. Il se passe des trucs dans le monde, quand même. Non, c'est pas tout. Donc, si la fille vous dit un suçon, tu dis un petit, quoi. Pas mais, trop fort. Pas trop fort. Non, mais c'est vrai. En plus, ça n'a aucun intérêt érotique, le suçon. Ah, bah ouais. À part pour la fille, je trouve ça. Si, pour elle, elle kiffe. Vraiment, alors ça, c'est vraiment, il y a un truc sur Terre que j'aime pas. Je préfère manger la merde que me faire sucer. Non, quand même pas. Non, mais c'est la domination. Je trouve pas du tout que ça soit de la domination. Si, pour la meuf, elle te domine. C'est juste un truc qui ne sert à rien et qui fait genre, une meuf, ça sert à rien du tout. Et qui tâche. Ouais, tu lui appartiens. Je supporte pas. Ah non, je suis pas trop suçonné. Tu fais suçonner, toi. Non, j'aime pas. Tu suçonnes pas, non. Non, j'aime pas, je suis sûr, j'aime pas ça. Juste stagiaire, toi, tu suçonnes. Je sais pas faire. J'ai déjà essayé à suçonner le cou d'une fille, mais j'arrive pas. Moi, je sais pas comment. À suçonner. Bah, c'est le mot. Au succès, Nabila vient de parler. Ouais, il faut des cadeaux. Mais comment tu peux ne pas arriver à faire un suçon? C'est juste aspirer. Mais aspirer, non, ça fait dents. Le contre, justement. C'est impossible de pas savoir. Si t'aspires, j'ai déjà, tu sais sucer une bite, bah tu sais. Mais t'as vu, ta phrase est faux. Je sais pas. Il faut qu'on parle trash tout le temps. Ouais, bah non, qui comprend. Ça va. Bon, en tout cas, si tu veux rigoler, moi je suis le roi de la boulette. Salut Yannick. On va vous appeler, les gars. Ben ouais, Yannick, le roi de la boulette, il est avec nous. Hein. Il nous a passé, je viens de voir ton message, Yannick. King of boulette. Merci. C'est quand t'es la poix, je suis le chasseur, t'es la poix. J'ai envie de dire. Il est où le bonheur? Il est où? Il est quand Guillaume Dusanard fait des blagues. Ah, merci Guillaume. Ah ouais. Là, tu me chauffes en plus. Alors. Voilà, t'aurais pas dire ça. Mon yaya de la Lande. Lui, c'est le king of blagues, hein, comme dirait. King of. Non, c'est ça, ouais. King of boulettes. Ouais, voilà, ouais. Et Laurence, qui est là de Toulon. Alors, toi, tu travailles dans quoi, Laurence? Je suis aide-soignante. Aide-soignante, ça marche. Ça se passe bien, ouais? T'es contente du boulot? C'est pas trop dur? Si, c'est dur. Oui, c'est dur. Faites beaucoup d'heures, les aides-soignantes, mais... hein, vous. Oui. Et puis, et puis c'est pas très bien payé. En plus, c'est vraiment des métiers, il faut avoir à la fois. C'est vraiment bravo à toutes les aides-soignantes. C'est un sacré boulot. C'est comme les infirmières, il y a beaucoup d'infirmières et tout. À chaque fois que vous passez, vous nous dites que c'est vraiment difficile et tout ça. En plus, il faut subir un peu le. Tu vois les gens un peu. Le mal, un petit peu, tout ça. Bon courage, Lolo. Ça fait combien de temps que tu travailles dans ça, toi? Ça fait un peu plus d'un an. Un an? Ah ouais. C'est récent. Ça, tu sais quoi avant, toi? C'est une reconversion professionnelle. J'étais mère au foyer, voilà. Ah, et mère au foyer. T'es combien de Mormec, là? Deux, très bien. Comment ils s'appellent? Elisa, 15 ans, et Luna, 5 ans. Ah ouais, putain, c'est la différence. Ouais. Putain, la vache. Elisa, 15 ans, elle écoute l'émission, Elisa? Oui. Ah merde. Oui. T'es pas venue parler de cul, c'est bon? Non, c'est okay, bon. Ok, très bien. Ouais, très bien. Salut Elisa, 15 ans. Salut, salut. Salut. Elle écoute là ce soir, elle t'a dit ou pas? Oui, elle y est, elle est en train de rigoler. Ah, c'est marrant ça, putain. Et toi, tu connais l'émission quand tu rentres du boulot? Oui. Ah bah écoute, c'est gentil, merci. Ouais, ouais. Voilà. Salut les potos. Bon, alors ça vas-y. Ça dépend à quelle heure je finis. Je voulais raconter la fois où t'aurais dû fermer ta gueule, hein, c'est le sujet. En fait, on faisait un apéro avec des potes et j'étais un peu bourrée. Et là, j'ai sorti la phrase qui tue. J'ai dit, allez, venez, on se finit à la maison. Et alors, ils t'ont pourri l'appart? Ouais, en fait, on est arrivé à la maison avec tout ce qui restait à boire et tout. Et ouais, après, le lendemain, quand je me suis levée avec le mal de tête et que j'ai vu toutes les bouteilles, les verres et tout, bah, c'était trop dégueu. C'est vrai, oh, putain. Et ça, je me suis dit, j'aurais trop dû fermer ma gueule. Après, faut faire attention aussi avec les potes pas fiables. À qui t'invites Parce que moi, genre. C'est pas un pote, alors. Non, mais moi, je fais les soirées, parfois, on est 30, hein, je peux dire, je fais les soirées quand même. Chez moi, 30 ou 40, il y a un mec qui mange sur mon canapé, je le démonte. Ah, mais non, c'est... non, mais attends, attends, non, mais j'invite que des gens respectueux. Non, mais je vais à un moment donné. C'est pour ça que je suis non, pas là. Mais, non, mais c'est pour ça que j'ai jamais invité. En plus c'est pas une vanne parce que je sais qu'il me casserait. C'est ça que je suis pas invité. C'est pour ça que t'as peur pour ton canapé. Il a fait une soirée chez James Turner. Tu vois, moi ça me va, ça ferait pas rire. Moi je suis bourré. Non mais vraiment, je suis un peu bourré, je peux monter dans les tours. Je l'invite plus pour ça, pareil. Tu personne m'invite. Ça fait longtemps que vous avez pas fait une soirée. Ouais, il invite tout le monde sans fond. En général, ça fait longtemps. Il invite toute la radio. Depuis que t'as pété le frigo, il va. Oui, mais ton frigo était bancal, mec. C'est un peu ta sanction. Putain, ça va, 3 ans. C'est vrai qu'il faut faire attention à qui t'invite. Et chez toi, c'est insupportable de faire une soirée. Je suis pas un voyou, hein. Moi, une fois, j'ai invité un pote qui avait fumé, j'avais raconté. Ouais. Il fumait et il mettait ses cendres derrière mon canapé. Non, ça c'est. Et là, je l'ai vu après, et le pire, c'est qu'il a éteint des cigarettes sur la moquette. Tu vois, moi, je fais pas ça par exemple. Voilà. Il a éteint des cigarettes sur la moquette verte, qui était une moquette verte claire. Voilà. Je dis pas que j'ai bon goût sur la moquette, je dis que je loin d'un peu. C'est des moquettes verte claire. Voilà. Et donc, j'avais pas trop le choix. Et bref, il éteignait ses cigarettes dessus, je l'ai vu après, j'ai pété un plomb. Non, en fait, je savais qui c'était et tout. C'est qui? Bah, c'était. Voilà, j'avais raconté déjà. C'est un rappeur. Ouais. Hein. Ah, mais connu. Mais ça m'a un peu pété les couilles, quoi. Les rappeurs par rappeur, t'éteins pas tes cigarettes, frérot. Bah t'as une éducation, t'es pas un cochon, quoi. C'est bon pour qui, là? Julia. Moi, j'ai fait un nouvel an chez moi un jour, et à minuit, ils ont trouvé la bonne idée de péter les bouteilles de champagne sur mon plafond. Donc va nettoyer les trucs au plafond, j'avais un balai. Et mais tout. Ça fait des traces parce que ça fait pas de. Énorme trace, bien sûr. Ça fait, genre le champagne a pété ou tu veux dire le bouchon qui a fait un impact? Non, le jet. Le jet du liquide, ouais, sur le plafond, exactement. Ah ouais. Et donc le lendemain, on avait le balai avec l'éponge au. Balai brosse, ouais. Ouais. Voilà. Et t'essayais d'essuyer en l'air. Ouais, la serpillière pour essuyer en l'air. Elle a eu du mal sur la phrase électrique. Ah, il y a le mot champagne, là. C'est... Et donc, t'as essayé. Ah non, mais horrible, ouais. Vous avez déjà eu des potes pas respectueux en soirée, JM du Standard, comme Laurence? Ouais, un pote qui m'a. À part Julien Stagiaire. Ça va. Non, ouais. C'est mon procès ou quoi? Je sais plus ce que c'est. Attends, il y a eu un truc en plus. Non, c'est ta vie. C'est tout. Non, c'est gentil. Mais parle notre histoire au pire. Je sais plus. C'était. Merci, JM du Standard. Ah, tu te rappelles ou pas? Non, je m'en rappelle plus, mais ça merci, j'aime ça. C'était il y a pas longtemps, mais je m'en rappelle. C'est une story de fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. J'ai vécu mon premier enterrement cet après-midi, j'ai perdu mon nom, je vous écoute et vous montez tellement le moral. Ah, bah, je t'embrasse très fort, ma chérie. Bon, salut. Merci à qui vous répondez vraiment. Mais bien sûr qu'on répond. Regarde là, tu vois, il y a ton message. Je n'ai pas pu t'écouter dernièrement. Un jour, j'ai dit que ma prof d'allemand, qui est aussi là, sous-directrice, était chiante, elle était juste derrière moi. Bon, chiant. Ah, est-ce que t'as géré un peu trop long? Ouais, t'as niqué des trucs, genre chez toi. Bah, je le vois plus, justement. Ou niqué toi? Non, il m'a pas niqué. C'est un mec qui est chiant, il veut toujours se battre alors qu'il sait pas se battre, il est bourré, il a le sang chaud pour rien. Et en soirée, il vole les bouteilles des gens et après, il se casse avec. Ah ouais. Et il se fait virer. Le pote cherche merde. Et il faut parler pour lui, il faut le défendre. Alors on en a tous fait. Le pote cherche. Et c'est pas moi, tu vois, c'est un pote. Bon, on se fait major laser, on s'est pas fait encore. Non, mais encore. On se fait cold water, on se retrouve juste après. Bonne nuit tout le monde. On parle des fois, on aurait dû fermer notre gueule. Venez réagir, vous passez 30 secondes à la radio, c'est marrant à faire même si vous l'avez jamais fait là. Comme Cyprien, 15 ans, comme Laurence qui en a appelé Toulon, comme Yannick de la Landançon aussi, voilà, Guillaume et votre petit texto avec votre numéro dedans. Vous me l'envoyez aussi. 11-12, les faux auraient dû fermer votre gueule, on en parle, on se fait les pervers juste après, on se fait passer pour des femmes, on chauffe des hommes avec ma cousine allemande. Yeah, on le fait juste après sur les Ok. I was Justin Bieber. On se cale Cold Water juste après les pervers, vraiment dans 30 secondes sur Énergie. Ça s'est passé chez Koé sur Énergie. Voici des questions pour Dayeuve. Écoutez-moi bien. Comment appelle-t-on un rapporteur, c'est-à-dire une personne qui balance en langage jeune? Une poucave, une nachave ou une pourrave? Nachave. Non plus, c'est une poucave. 19h-22h sur Énergie. J'ai été chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud ! Mais il me décalait ton fusée ? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Énergie Hit Music Only avec Shawn Mendes en concert. Retrouvez le phénomène Shawn Mendes pour un concert événement le 24 mai à l'Accor Hotel Arena à Paris. Prévente exclusive mercredi 14 septembre sur gdp.fr. Infos et réservations. Énergie.fr, gdp.fr et point de vente habituel. Shawn Mendes en concert. Un événement Énergie. Bonjour à tous, c'est Evelyne Thomas. Retrouvez-moi pour une nouvelle saison inédite de C'est mon choix. Humour, défis, émotions, personnalité décomplexée et caractère bien trempé. C'est mon choix du lundi au vendredi à 17h sur Chéri 25. Bon, alors tu veux quoi comme cadeau? Je sais pas, soit un ordinateur ou une tablette ou sinon un smartphone. J'hésite. Qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture? Un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent de même. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249€ par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Vizia DIGT 115 et l'LD 49 mois avec 2000€ d'apport jusqu'au 30 septembre aussi à Cordiac. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Quel est l'impact du Brexit sur l'économie européenne? Trouvera-t-on un jour de la vie ailleurs que sur Terre? Comment une vidéo de chat peut-elle être vue 227 millions de fois? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous, dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. Ils arrivent à le faire pendant 2 heures, sans s'arrêter. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. On y va, les pervers. C'est l'or, il est l'or des pervers. On va les appeler maintenant, là, on va se faire passer pour des femmes, là, avec ma cousine. Ma cousine, normalement, elle est là, ma cousine allemande. Voilà, on va la faire dans la voix. J'ai dit à mon putain Dirlo, elle est bonne, et nous écouter derrière nous, la honte. Salut, Julie 42. Il faut fermer sa gueule quand t'es bourré. Voilà, Lolo de Toulon qui était avec nous et qui nous racontait la fois, elle avait invité des potes complètement bourrés. On va parler justement, avant de se faire les pervers dans 2 secondes, là, des fois, on aurait dû fermer notre gueule dans la vie. Voilà, ça va, Guy de la régie, là? Ouais, ça va, nickel. Est-ce qu'il y a une fois dans ta vie où t'aurais dû fermer ta gueule? Voilà. Où t'as fait une vanne à quelqu'un, c'est mal passé, ou t'as dit quelque chose à quelqu'un et t'aurais pas dû. Non, j'ai fait un grand mensonge. Ah, t'as fait, c'est quoi? C'était le plus gros que j'ai pu faire. C'était pour arrêter l'école. Ouais. En gros, je voulais sortir une excuse bidon pour ne plus aller à l'école parce que ça m'énervait. Ouais. Et en gros, j'ai dit que j'avais mis enceinte quelqu'un et que le bébé était déjà sorti et que du coup, je pouvais plus être en cours. Attends, t'as dit quoi? J'ai dit que j'ai mis enceinte quelqu'un, que du coup le bébé est sorti parce qu'elle a accouché. À qui t'as dit ça? À des potes du coup du lycée et aussi à une prof. Ah, c'est vrai? Ouais, non, c'est vrai. Pour t'as le fait croire que t'étais papa? Ouais, voilà. D'accord. J'ai trouvé des vieux. Des vieux peu crédibles pour Guy. Comme aucune vanne dans la phrase, mais peu crédible. Guy de la régie n'a pas encore goûté aux fruits défendus. Voilà. Donc, peu crédible. Sur le principe, c'est pareil. Mais c'est passé quand même. Et c'est passé, mais qui t'a cru? Justement, mes potes et la prof. Il faut le présenter. Très bien, très bien. T'as fait croire que t'avais pondu. Que j'avais pondu, t'avais mis enceinte une nana. Ouais. Et puis je pouvais plus venir parce qu'il fallait que je m'en occupe. Bon, on se fait les 3 sons les plus marrants là, sur internet que t'es trouvé en 2 secondes là. Chaque fois qu'il y a Guy de la régie, c'est lui qui me trouve les nouveautés. C'est lui qui me trouve toutes les nouveautés, genre le nouveau de ça. Le nouveau de Joule à Gims. De la poix, je suis le chasseur de la poix. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout battait, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. Allez, on fait écouter ces trois sons-là. Juste après, ouais, je parlerai des 8, après les pervers, les 8 traditions sexuelles parmi les plus étranges du monde. Ouais. Ah. Ça, c'est beau. Alors, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Alors, ça, c'est ouf. Non, mais vous allez rigoler, hein, je pourrais dire. Il y en a des fois, et le numéro 1, c'est la. Alors, numéro 2, c'est la vie de JM du standard. Non. Les traditions sexuelles les plus bizarres au monde. Et je vais stagiaire être top 1. Non, pourquoi top 1? Top loose du jour. Ah ouais. Au-dessus. N'importe quoi. Bon, alors. Guy de la régie, t'avais un truc à nous, ouais, à nous faire écouter. Ouais, carrément. En fait, c'est sur TF1, samedi, il y avait Super Nanny qui était passée à la télé. Et en fait, Super Nanny, du coup, elle a été voir une famille. C'était la famille de Mathéo qui a 6 ans. Et justement, pour quelqu'un qui a 6 ans, bah, il était hyper chaud, quoi. Non, je te laisse pas. Théo, quoi? C'est la première fois que j'entends ça de la bouche d'un enfant. J'ai t'aidé pas, tu sors au coin. Allez. Merci. Il a dit quoi? Connard. Enfoiré connard. Il met des coups de pied. Ah ouais, enfoiré connard. Ouais. Alors, c'était très très chaud. Ah ouais. C'est dans quelle émission ça? Super Nanny. Super Nanny. Ouais. Après enfoiré. C'est les vrais ça les mecs, c'est dingue. Ah, bah, faire la misère. Après ouais, attends, en même temps, tu vas me dire comment. Voilà. Tu vas me dire le mec, tu peux pas l'inventer. Ouais, tu peux pas trouver un mec de 6 ans, tu dis vas-y, dis ça, c'est chaud. C'est compliqué. Il répète ce que disent les parents aussi. Ouais, attends, c'est quand même dur. Ah peut-être. Moi j'ai dit nique ta mère, un pote, il est parti et appelle-moi. Attends, moi, et les messages où vous essayez de m'appâter comme un poisson rouge là. J'ai dit ça et puis alors hop et puis appelle-moi. T'as quoi d'autre Guy là? Là après c'est dans un autre délire. En gros c'est un reportage ouf que j'ai trouvé sur YouTube. Ouais. En gros c'est en Inde. Il y a, on va dire, 100 attaques de tigres sur les humains. D'accord. Là-bas. Ah ouais. Et en fait les Indiens du coup ils ont trouvé une technique. Pour 100 attaques de tigres d'humains juste dans ce centre-là genre non? Hein, tous les ans, tous les mois, tous les tous jours les ans, tous les ans. Tous les ans. Ah, ouais, c'est beaucoup. 100, hein. Un peu, 3 jours, quoi. Et du coup, les Indiens, ils ont trouvé une technique pour ne plus se faire attaquer. Dans la région des Sundarbans, en Inde, les habitants portent des masques à l'arrière de leur tête pour se protéger des tigres. Avant cette pratique, l'intrusion des hommes sur le territoire des grands félins faisait environ une centaine de victimes mangées par des tigres chaque année. Comme le tigre compte sur l'élément de surprise, créer l'illusion qu'on a des yeux derrière la tête a permis de faire passer le nombre d'attaques des porteurs de masques à zéro. Oh putain, c'est à zéro direct. Ouais. Ça les protège, quoi. Ouais, mais c'est avec des masques de déguisement en plus. Ah ouais. Bah, ah, c'est drôle ça. Ouais, c'est. Il y a une vidéo de ça, ouais. Je peux te prendre la photo si tu veux. Ah, ah c'est une vidéo. Une photo. C'est, ouais, c'est des photos qui sont montées, quoi. Ah ouais, je veux bien en ça, vidéo. Je veux bien ça. Bah vas-y, vas-y. C'est rigolo, ça, j'aime le standard. Ils font pareil pour les vaches contre les attaques de lions. Exactement. Ils les font sur le cul. Ouais, c'est ça. Les vaches. Non, non, ils dessinent deux culs et deux ronds à la peinture à côté de leur anus. C'est ouf, hein. C'est ça, j'aime ça. Ouais, c'est ça, exactement. Tu veux la mettre, la photo? Ouais, allez sur ma page Facebook, allez. Ceux qui veulent voir comment les vaches se font pas manger avec un œil sur le cul. On peut faire pareil, nous aussi, bon. Je viens de te dire, on va dessiner. Ouais, les humains. Non, mais allez voir, hein, Guillaume, c'est ce qu'on fait justement. Là. Bah oui, justement. C'est ce que Guy, là, je viens de dire. Hein. Ah ouais, là, ouais, Guy, tu parles pour rien dire. Guillaume Play sur Facebook, on est exactement 1 million 951 000. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Hein. Je ne veux pas dire de conneries. On est exactement 1 million. JM du standard, toi qui as internet. Ouais, 1 951 700. Voilà, merci beaucoup. Hein. Guillaume Play, P-L-E-Y, si vous avez deux secondes, 720 même, voilà. 721, c'est énorme. Le buzz. Nous sommes en train de buzzer. Ah ouais. 722, ce soir. 723, c'est l'explosion. Nous sommes en route vers les 2 millions, peut-être ce soir. Oh ce là rythme-là. Là. Très bien. 723, nous stagnons. Guillaume Play, P-L-E-Y. 726, voilà. Ah. Merci à nos jeunes arrivants, les derniers arrivés. Bonsoir Jean-Claude Trang. Salut. Salut. Qui en est arrivé à l'instant, bonsoir à toi. Bonsoir Mathieu Baudot, qui en est arrivé. Mmh. Voilà, Guillaume Play avec un P, hein, comme Patrick. P-L-E-Y sur Facebook. Je viens de vous mettre la photo des vaches sur lesquelles il faut dessiner un œil à côté du fion pour la protéger des lions. C'est intéressant quand même. Ouais. Attends, c'est pas con. Bah ouais. Attends, on apprend quand même des trucs tous les jours. Hein, donc, je te suis depuis peu, mais tu es super. Ah bah merci beaucoup. Hein. J'adore vous écouter. Super équipe, c'est du lourd. Bonne continuation. Et j'espère à bientôt. Salut Guillaume Corbeau. Salut Guillaume Corbeau. Salut Guillaume. Et bah on t'embrasse frérot. Merci pour ton message, il nous fait plaisir. Guy Larage, t'as quoi ouais. pour terminer? Bah pour terminer, en fait, c'est un chanteur assez ouf. Il est à New York, en fait, dans les métros new-yorkais pour se faire un peu d'oseille. Ouais. En gros, il chante tous les jours là-bas. Il y a un mec qui l'a filmé, qui a mis sa vidéo sur YouTube. Et là, elle a fait déjà 200 000 vues déjà. Très bien, 200 000 vues. 200 000 vues. Ah bah oui, je chante super bien. Je chante un coup musical, moi. Là. Oui, c'est ouf. Et donc, il chante dans le métro et il a fait une vidéo. Quoi. C'est ça, carrément. Elle est connue, la musique aussi. Ouais, la musique de gosse. Patrick Swayze. Ah si, il chante pas mal. Ah, il chante bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup, Guinarji. Merci beaucoup. On se fait Kungs et juste après, on se fait les pervers, j'aime bien. Ouais, pas de soucis, Guillaume. On se fait sucker sucé pour du pain, sucker for wine. Ouais, c'est... Là, c'est pas ce que ça veut dire. C'est sucé pour du travail, non? Non, non, pour de la peine. La douleur, quoi. Ouais. Ah, de la douleur. De quoi? Exactement. C'est sucé pour de la douleur. Ah ouais, pain, mais ça veut dire quoi? No brain, no pain. No pain, no gain. Pas de peine, pas de douleur, pas de gain. Ah ouais, d'accord. Ah oui, pain, c'est. Et pourquoi sucer pour de la douleur alors? Bah alors là. Une gorge profonde. Non, mais c'est vrai, ça veut dire quoi du coup? Je sais pas, c'est peut-être une expression. Ouais, c'est une expression qui vient de la bouche de Gilles Stagir. Ça va. Pour avoir mal, on se fait Kungs. Don't you know, il défonce le nouveau Kungs. On se calme maintenant. Bonne nuit, Guilla, à demain. Bonne nuit, bisous. Allez, à demain, bisous. Et on est en direct, 22h minuit, 23h03. Les pervers, c'est l'or. On appelle juste après, je me fais passer pour une femme. Juste après, Kungs, don't you know, sur Énergie. Merci beaucoup, les potos, de passer le soir avec nous. Et je vous file les Xbox One S et les PS4 sur Énergie après ça. Guillaume, Radio 2.0 en direct, les mecs. Ok. Va le faire pendant 2 heures sans s'arrêter de 22h à minuit. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, l'heure des pervers. JM du standard, il a sorti un numéro. Il se fait passer pour une femme, il chauffe des mecs sur des sites de cul. Juste après PS4 et Xbox One S à vous offrir, vous envoyez Guillaume. Et si vous avez des vannes à balancer avec moi, allez-y, on fait le jeu ensemble. On appelle le premier qui s'appelle comment? Moumouni s'appelle le premier. Très bien, on a eu quoi d'autre? Tu m'as dit, Emmanuel Macron. Ouais, aussi. Jean-Charles Canon, on en a eu plein. Ouais. Latex Avery, heure de sperme, odeur de sperme. Sophie Marceau-Domi. N'oubliez pas les cagoles. Ouais. On y va, c'est parti, tu fais le numéro. C'est bon, normalement. On appelle Moumoun. Ouais, c'est ça. Alors, je serai là. Je vais demander à ma cousine américaine, peut-être pour commencer, on va voir. Je vais faire les cousines du monde entier. Et l'équipe s'est passée par des cousines. 23h07, alors, bon. Je range ma feuille. Allô. Allô, c'est bien Moumoun? Ouais. Comment ça va? Bien. C'est Mandarine. On a parlé, tu sais, sur le chat de Coco, le chat de sexe. Ouais, ouais. J'ai envie de sucer Moumoun. Ah ouais? Ouais. Et tu veux que je me décrive ou pas? Ouais, vas-y, décris-toi. Ouais, je suis brun. Yeux marrons. à peu près, on va dire, 1m75 dans ces eaux-là. Ouais. 82, 84 kilos dans ces eaux-là. Ouais. Hein, et je suis moustachu. D'accord, oh, j'adore les moustaches. Ouais, c'est quand on fait minette, au moins c'est super bon. C'est quoi? J'ai dit quand on fait minette, c'est bon. Quand on fait la minette, c'est bon? Ouais. Ça change tout? Moi j'aime bien. Après tu lèches la moustache? Ouais, si tu veux, ouais. Après je récupère. Et toi t'es comment, physiquement? Bah c'est pareil, moi je fais 1m75 pour 84 kilos, je suis moustachu aussi. Mais ah, pas ouais, du même bah, endroit. Ouais, pas au même endroit, ouais. Et ben ça me va très bien, tu vois. J'ai pour une fois qu'il y en a une qui est comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant, toutes les gonzesses, elles s'épilent à fond. Ah, t'aimes bien quand il y a un peu de poil? Ah ouais, j'adore ça. Là, là je vois également. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi une bonne chatte touffue, là. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable. T'es lesbienne aussi? De quoi? T'es lesbienne aussi? Ah, je suis un peu bi, moi. Ah, d'accord. J'aime bien les deux. T'aimes bien les deux. Et au niveau sexe, à ce moment-là, il n'y a rien qui t'arrête. Ah non, moi je peux brouter du cul de tous les âges. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères dans le sexe? Attends. Finalement. Deux secondes, Moumoune. J'ai une cousine allemande. Attends. J'ai une cousine américaine. Cousine américaine. Cousine américaine. Cousine américaine. Hello. Je te présente Moumoune. Hello Moumoune, c'est la cousine de l'Amérique. Salut. Ça va ma cousine? Ah ça va très très bien. Je viens de me faire un McNuggets. Je suis très en forme. Est-ce que tu pourrais me déposer chez Moumoune après? Avec plaisir. Tu veux qu'on y aille comment? Bah si t'as une voiture, t'as une voiture, j'en ai pas cousine. J'ai la Harley Davidson si tu veux ou la Corvette. Ah bah écoute, c'est quoi ton truc là? Non, c'est parce que je suis chez une cousine américaine. Yeah. Ouais. J'ai plusieurs cousines en fait. J'ai aussi la cousine. Attends, j'ai la cousine mexicaine. Cousine mexicaine. Hola, todos días. Soy la cousine de ma cousine. Enchantée. Ça va, cousine la mexicaine? Ya va bien, je comme de Mexico. Et je vais faire la connaissance des françaises. Mais qu'est-ce que tu es en train de manger? Des charitas. Ah, des charitas? Non, c'est des. Non, mais chez nous, on dit les charitas. En France, tu dis les faritas. Et chez nous, c'est les charitas. Ah, oui, d'accord. Il s'est rattrapé, la pute. Je dis pas les putes. J'entends les français. Je comprends français. Cousine américaine? Mais attends, viens là, j'ai une autre cousine aussi, j'ai une cousine écossaise. Cousine écossaise? C'est bon, il y a la musique. J'adore la musique. Hello, darling. I'm come from Hindenburg with the castle. Hello, Moumoune. Moumoune. Fais-moi un bisou, Moumoune. Quel rapport avec l'écosse? Je sais pas. Merci beaucoup, JN. Merci maman, beaucoup, cousine Bis. Cousine Bis est très très bonne en impro ce soir. Wow. Mais c'est pas grave parce que j'ai toujours ma cousine. J'ai une autre cousine, cousine israélienne. Cousine israélienne. Ouais. Eh ben viens, je te présente Moumoune. Salut Moumoune. Moumoune il est raccroché. Ah. Direct, allez, j'ai pas eu ma dose. On reste avec les cousines du monde. Ouais, on est bien là. Jean-Charles, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, c'est ça, Guillaume. Allez, je ferai avec la cousine, cousine belge. Oui. 23h11. Allô. Allô, Jean-Charles. Oui. Ça va, c'est Mandarine à l'appareil. On a parlé sur le chat de Coco. T'es de où? Moi, je suis dans le 59, je suis à Lille. Quel coin de Lille? Bah, je suis dans un petit village, je suis à Villeneuve d'Ascq à côté. Ah ouais, ouais. Bah, je connais pas trop la région parce qu'en fait j'ai vécu 32 ans en Belgique. Ah, moi j'habitais à Bruxelles. Ah, moi j'habitais Tournai et Moucron. Ah bah entre Moucronois on pourra s'enculer. Et tu proposes quoi et combien? Bah moi c'est... Pourquoi combien? Je sais pas. Bah, moi j'ai pas une escorte hein. Je sais pas. Bah, je te le dis. Je préfère que tu me payes vraiment un coup dans le cul. Mm-hmm. Ou alors un verre chez toi, direct. Parce que j'ai ma cousine qui est belge qui pourrait m'emmener. Je suis chez ma cousine belge en ce moment-là. Ah. Tu veux que je lui demande de m'emmener? T'emmener où? En voiture, bah chez toi. Ouais. Attends, c'est ma cousine belge. La cousine belge? Oui. Cousine belge? Oui. Viens, tu peux m'emmener chez un ami. Ça, à quelle heure? Eh ben, si on veut y aller maintenant. Ça dépend. Demain matin, je me réveille tôt, je travaille. Alors, selon toi, c'est quoi l'heure? J'aimerais bien y aller vers 1h du matin. 1h? Ok, mais tu restes pas longtemps alors. Non, elle peut m'attendre dans la voiture, elle peut monter, Jean-Charles. Non, non, non, je marche pas dans ces combines. C'est ma cousine Carolo. Pourquoi? Dans quelle combine? Ouais, c'est bien. De toute façon, j'ai entendu, c'est un mec qui parle. Mais pas du tout. Je suis complètement féminine. Je vais faire le taxi, taxi girl. Et après, je l'emmène. Ouais, ouais, ouais. Bon amusement. Je l'emmène, la cousine. Ouais, bon amusement. Elle va se faire tirer. Attends, mais... Pourquoi j'ai pas le droit? Qu'est-ce que tu me reproches, Jean-Charles? T'as rien à me reprocher, je suis complètement clean. Ah ben, amusez-vous bien. Je suis blanche comme neige, comme mandarine. Voilà. Oui, oui. Oui, ben ma cousine belge, je vais me déposer. Moi, je la dépose, ouais. Elle reste en taux 3/4 d'heure, 1 heure, et après tu fais ton affaire et je la récupère. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Je suis sur l'entrejambe, avec la soupe par là, et après elle rentre à la maison faire dodo. Ouais, je pense que vous regardez trop la télé. Pourquoi? Mais pas du tout. Non, non, non, il n'y a pas de souci. Mais enfin, amusez-vous bien. Arrête de me dire ça, arrête de me dire amusez-vous bien, je veux m'amuser avec toi, Jean-Charles. Ah bah ouais, bah, mais c'est ce que je te dis, amusez-vous bien. C'est toi qui m'excites, Jean-Charles, c'est pas les autres hommes, dis-lui, cousine. Bah écoute, Jean-Charles, t'as la chance que ma cousine, Charles, t'excite, donc franchement, si elle veut te rendre visite, franchement, va faire le sexe avec elle. Hein. Allez, raccrochez-la. Ce soir, je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer, regardez. Il y a un hublot. Foot d'ailleurs ce soir. Ouais, PSG Arsenal, c'est fini un partout. Voilà, PSG Arsenal, il y a. Yes. Comme dirais-je, c'est-à-dire PSG Arsenal et. Un anglais. PSG Arsenal. Donc, il y a combien, t'as dit? Un partout. Un partout. Match nul, voilà. Voilà, un point chacun. Il y avait du monde juste à côté de la radio, c'était pas loin. On en fait un dernier, j'ai une standard. Avec plaisir, on appelle Canon et ensuite on se fait les cadeaux. Je vous fais des Xbox One, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des Xbox One S là et des PS4, on vous les fait juste après. On appelle Canon, c'est ça? Ouais, c'est ça, Guillaume. Je fais toutes les cousines. Israélienne, japonaise, roumaine. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, c'est bien Canon? Ouais, c'est bien. Je te dérange pas, c'est Mandarine, on s'est vu sur le chat de Coco. Ouais, c'est ça. Tu te déranges pas? Non, non, tu te déranges pas. Ça va, bel homme? Bah oui. Oh, j'ai envie de te rencontrer. Bah oui, bah tu quand tu veux, de toute façon. T'as une moustache ou pas? Non, pourquoi t'aimes bien les hommes à moustache? Bah, je me suis jamais tapé un mec à moustache. Ah non, bah, j'ai pas de moustache, ma petite cocotte. Mais... T'as un gros nez? Non, j'ai un nez normal. T'as une grosse bouche, je sens que t'as une grosse bouche. Bah, j'ai une belle bouche, ouais. Bah, attends, je fais quand même 1m85, je suis quand même, disons, sportif, quoi, en fin de compte, voilà. Ah, d'accord. J'ai envie de te sucer, là. Oh là là, t'es chez toi? Ouais, je suis à Metz, là, je suis chez moi. Ah, d'accord. Voilà. Oh, bah, si t'as envie, bah, moi j'ai envie aussi, chouchou. Ouais. J'aimerais bien qu'on se voit. Ah oui, bah écoute. Alors attends, parce que il faut juste que je demande mon planning. En fait, je suis chez ma cousine en ce moment. Cousine israélienne. Cousine israélienne. Oui. Viens là. Ami. Je te présente un ami, il s'appelle Canon. Bonsoir Canon. Comment tu vas? Bonsoir. Ça va. Machon, tu m'as l'air mignon toi. Ouais, oui. Ça n'a aucun sens, cousine. Mais là, si, il comprendra bien quand il sera là. J'ai envie que je te présente Canon, cousine. T'es chaud de le rencontrer? Ah, avec plaisir, on va faire une bouffe. T'aimes le crabe? D'accord. Ça te tarde aussi? Oh bah mon dieu, quelle chance alors. On fera du crabe. D'accord. Ah là là, tu m'as l'air mignon. Elle est en forme, elle, hein. Ah, ma cousine, elle me fait trop rire. C'est trop une boute en train, je l'adore. Putain, je la kiffe, quoi. Ah là là. Mais elle est en rasera ce soir, ma cousine. Ah, la rasera. C'est une tonasse, je te dis. Et pourquoi qu'elle se force à parler, qu'elle parle normalement, hein? Mais non, mais elle parle comme ça, c'est son accent. Je parle comme ça, c'est normal. On t'invite à Shabbat. Ah bon? Tu viendras. D'accord. T'es content? Ouais, oui, je suis super heureux. Mais vas-y là, bordel de merde, qu'est-ce que tu me fais, là? Insupportable, toi. T'as un bail dans le cul, cousine, ou quoi? Eh non, mais mixer les deux, c'est compliqué. Franchement, j'essaye d'être féminine, regarde-moi ça. Ma cousine, c'est un peu un garçon manqué, tu sais. Ouais. J'ai aussi ma cousine japonaise qui est avec nous. Cousine japonaise? Oui. Oh non. Ah, d'accord. Cousine japonaise? Il y a du monde, alors. Ça va, cousine japonaise? Ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, je faisais des boulettes de riz, évidemment. Et n'oublie pas les baguettes, alors. Ah, c'est très, très drôle, ça. Oui. Tu viendras faire des blagues avec nous? Ouais, oui, il n'y a pas de problème. T'es retombé dans la cousine allemande, cousin. Elle est en train de revenir. Non, mais c'est bon, Je dois te laisser, Canon. On passera demain, alors, si ça te va. D'accord. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Allez, je t'embrasse, okay. Un gros bisou. Et avec ma cousine Roumaine. Cousine Roumaine. Oui, cousine. Arrête. Bonsoir, je viens de Bucarest et Roumanie. Enchanté. Ma cousine Roumaine. On a toute la planète ici qui est là. Bonsoir. Oh là là, il y a toute la planète. Bah, j'ai une cousine, en fait, j'ai une famille un peu mondiale. Vive la Roumanie. Très beau pays. Ouais. Tu peux venir chez nous, pas cher. Il y a le château de Dracula. Ça, c'est sûr que c'est pas cher. Tu viendras me cloquer le sang, comme Dracula. Ouais, bien sûr. Ok. Ok, ok. Ok, je te laisse, Canon, je te fais un gros bisou. Ok, pas de soucis. Allez, bisous, mon chéri. Et salut la cousine roumaine. Au revoir. Ouais. Salut la cousine américaine. Yeah, bye bye. Salut la cousine israélienne. Au revoir. Salut le bon dentier. Allez, 23h18, on se fait les pervers. Là, on l'a fait. Maintenant, on va le faire l'énigme. On a des Xbox One S. Voilà, je vais chercher les bugs de Flo des cadeaux. Xbox One S. Voilà, il a pas réussi à le dire. C'est une seule bien, fois. Il n'a pas réussi à le dire une seule fois Xbox One S, hein, vous pouvez vérifier. On a les PS4 et les Xbox One, hein, c'est PS4, ça. PS4, Xbox One S. Ah, ben, on vous les offre juste après le nouveau Shakira. On se fait de la bicyclette, hein, sur Énergie. On se fait les justes prix, on vous offre des cadeaux. Et ensuite, on parlera de sexe jusqu'à minuit. On est ensemble. Guillaume Radio 2.0. Merci de faire de la radio avec nous en direct. Merci d'être allé, poteau. Première radio de France, les mecs, hein, ça se passe de 22h à minuit, du lundi au vendredi. Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Si vous découvrez l'émission ce soir, je m'appelle Guillaume, enchanté. Ok.

Qu'est-ce que deux heures peuvent changer dans votre journée? Absolument tout. De 22h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour. You know I love her, mom. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bandou, madame. Then she says, I bought it. And I said, I boule. On va se l'écouter en entier. Juste après. You know I love her, mom. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Je vais marquer sur une feuille un chiffre que je vais montrer à l'équipe. Le premier qui me le trouve par SMS en une minute ou 20 secondes ou 5 secondes, hein, les gars. Bonne chance. C'est une course de rapidité. Ouais. Vous m'envoyez Guillaume, un espace, le chiffre que je pensais, le chiffre que vous pensez trouver plutôt, avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. Voilà. On va voir le premier qui me le trouve. Je montre le chiffre à Guillaume du Standard. Ok, Guillaume. Je montre le chiffre à Julien Stagiaire. Ouais, c'est bon. Je montre le chiffre. J'ai changé, hein, un flot des cadeaux. Ok. Ouais. Et il y a Julia. Voilà. Ah. Vous voyez bien le chiffre. Je vous montre à la caméra pour montrer qu'on n'a pas triché. Ouais. Vous envoyez Guillaume un espace et le bon chiffre avec votre numéro au 612. C'est une course de rapidité. Le premier qui me le trouve, je lui offre une Xbox One S ce soir, voilà. Ou la PS4, voilà, c'est pas compliqué. PS4 ou Xbox One S, c'est l'un ou l'autre ce soir. On va voir sur quoi vous tombez. Est-ce que ça serait le chiffre 12, Guillaume? C'est plus que 12, voilà. Déjà, c'est plus que 12. On sait juste que c'est moins que 499 qui est proposé à l'instant. Salut à toi frérot, 07, 68, 66, 69, etc. C'est donc moins que 499 et plus que 12. Est-ce que ça serait 28? C'est plus que 28. Est-ce que ça serait 100? C'est plus que 100. Ça va vite, hein. Est-ce que ça serait 200? C'est moins que 200. Ah. 22, pardon, moins que 222. C'est moins que 200, allez, je l'ai dit. On cherche un chiffre entre 100 et 200. C'est une chance sur 100 de gagner, les mecs, ça va hyper vite. Vous envoyez Guillaume et le bon chiffre avec votre numéro au 6-11-12. Les gars, ça va aller vite. J'ai fait une ligne droite, je ne m'arrête plus. Envoyez, vous avez une chance sur 100, putain de merde, de gagner une PS4 ou une Xbox One S. Ah, ça vaut le coup là, ouais. Guillaume, un espace, le bon chiffre avec votre numéro au 6-11-12. Attention, je bourrine, je vous préviens, je bourrine. Envoyez vite, ça va aller vite. Est-ce que c'est 105, c'est plus que 105. Est-ce que c'est 108, c'est plus que 108. Est-ce que c'est 114, c'est plus que 114. Est-ce que c'est 192, c'est moins que 192. On cherche un chiffre entre 114 et 192, hein, vous retenez bien. Est-ce que ça serait 150, c'est plus que 150. Ah ouais. Voilà, une chance sur 40, allez-y les gars. Guillaume, un espace et le chiffre entre 150 et 192. Est-ce que c'est 190, c'est moins que 190. Est-ce que c'est 165, c'est plus que 165? Putain. On cherche un chiffre entre 165 et 190. Est-ce que c'est 180, c'est moins que 180? Les gars, il faut bourriner, il faut aller vite. Et dans ce genre de jeu, il faut balancer vite. Hein. Il est où le bonheur? Il est où? Il est au bout du chiffre. Réfléchissez bien. Entre 165 et 180. Une chance sur 15. Allez-y maintenant. Guillaume et le chiffre au 612. Est-ce que c'est 168? C'est plus que 168. Entre 168 et 180. Une chance sur 12. Est-ce que c'est 173? C'est plus que 173. Entre 173 et 180. Allez-y, hein. Guillaume et le bon chiffre au 612. Ça se rétrécit, ça va très très vite. Est-ce que c'est 178? C'est moins que 178. Est-ce que c'est 174? C'est plus que 174. Voilà, putain, les gars. On y est là. Guillaume et le bon chiffre au 612. Et les gars, entre 174 et 178. Une chance sur 4. Tu cherches un chiffre? C'est le moment où il faut balancer. Une chance sur 4, ah bah avoir le premier qui est arrivé. Allez-y, hein. Guillaume et le bon chiffre en 612. Il est 23h32. Dans 2 minutes, on s'écoute Ken Jones. You know I love her, mom. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bandou, madame. Then she says, I bought it. And I said, I boule. No matter what. Ouais, vous êtes hyper nombreux à me demander quand on se l'écoute. On se l'écoute après, là. Voilà, 175, il est arrivé à l'instant, voilà. Bravo. 175, c'est le chiffre du soir. On va prendre un logiciel, Julia, si tu veux bien. Taper 175 dans le logiciel, nous ouais. Sortir le premier numéro. J'appelle maintenant, je vous avais promis, hein, une Xbox One S ou une PS4, bah, c'est parti, l'un ou l'autre. On va voir si jamais ça répond, j'appuie sur le petit bouton vert, ça va sonner maintenant chez l'un d'entre vous. Faut bien répondre au numéro caché. Je suis resté fidèle au pari. Le premier numéro, par contre, il faut que ça. Voilà, j'ai dit, il faut qu'il y ait un numéro dans le SMS, hein, parce que nous, on voit pas les numéros d'envoi. Hein. Allô? Allô? Oui. Ouais, ça va ou quoi? Ça va toi? T'as compris qui t'appelle? Ouais, Guillaume Play. C'est le sosie du Père Noël ce soir. Ça va ou quoi, frérot? C'est quoi ton prénom? Adrien. Adrien. Quel âge, Adrien? De quelle ville? Quel métier? Tu viens d'où? T'es né où? T'as quel âge? T'as combien de frères et sœurs? Groupe sanguin, c'est quoi? Non, tu viens d'où? Je suis de Sainte-Mère. Sainte-Mère? Sainte-Mère, l'église? Ouais. Ah putain, énorme, représente. Putain, les poteaux, ça fait trop plaisir. J'en ai parlé mille fois de Sainte-Mère l'église. Ah, il y a le parachutiste qui a été parachuté le jour à la guerre. Ah ouais. Ah, oui, le parachute, il est resté accroché à Sainte-Mère l'église, sur l'église de Sainte-Mère l'église, et il est devenu sourd, le mec. Et les Allemands en bas, ils ont essayé de le mitrailler. À cause des cloches, il est sourd. Et bah oui, parce que va te mettre à côté d'une cloche d'église pendant une journée, je crois. Ouais, je pense que c'est dur. Et il a réussi à s'échapper, ça qui est dingue. Ouf, il est fort, le mec. Hein. Bravo. Et bon, voilà, c'est dédicace. 1630 habitants à Sainte-Mère l'église. Ah ouais, quand même. Je regarde. Dédicace à tout le monde. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, enchanté, frérot. Merci de passer un petit coup de fil. Écoute, merci d'avoir joué avec nous. Écoute, tu fais quoi dans la vie, toi, Adrien, à Sainte-Mère l'église? Voilà, je suis en bac pro, en CAP électricité. D'accord. En CAP, t'étais où, du coup? Tu fais où les cours? À Coutances. Je suis à Coutances en ce moment. Ah, énorme. T'es à l'internat? Ouais, je suis à l'internat. Ouais. D'accord. Quel internat à Coutances? CFA. Eh ben, salut à tout le monde alors. Représente la Manche, ouais. Dédicace à tout le 50. Bravo mec. Putain, c'est énorme. À Coutances, il y a une petite place et il y avait un marchand de babioles avant. Et j'ai avec ma mère et j'ai acheté des avions. Vous avez pas ça quand vous étiez petit, des petits avions en polystyrène? Ah ouais, et vous les montiez avec les ailes, les ailes et tout ça, et tu les jetais dans quelque part et ça volait. Ça sert à rien, mais ça, pour voler. Quand t'es petit, j'étais content. Bah oui, c'est vrai. C'est... Et je venais exprès avec ma mère à Coutances, j'allais faire les courses et moi j'allais dans ce petit truc là et m'acheter ça, j'étais trop content. C'est intéressant de te raconter. Adrien, t'es content ou pas d'avoir gagné déjà? Bah ouais, grave. T'es stressé un peu? Bah ouais, un peu. Vas-y, détends-toi à la mode de chez nous. Hein. Ouais, tranquille. Tranquille. Pour t'aider. Savez-vous gagner des énigmes à la mode de chez nous? Bon, il y a des Xbox One S ou des PS4, d'accord? Il y a les deux, j'avais dit l'un ou l'autre ce soir, donc c'est l'un ou l'autre. Je fais tourner la roue des cadeaux, on voit sur quoi on tombe, d'accord? Okay. Qu'est-ce que t'aimerais le plus gagner? On va voir si on tombe bien. Ouais. Je vais demander à JM du standard, si tu veux bien, de prendre à deux mains la roue. Demain, J'ai demandé de t'empaler. Oh là, tranquille. Tes fesses sur le milieu de la roue pour la faire tourner plus vite. Sur moi, c'est chelou. Non, JM du standard, envoie. 3, 2, 1, un. Ah! Il est limite dangereux ton cri. Et ça va s'arrêter sur. Une PS4. Eh ben, c'est gagné. C'est gagné. Ça part demain matin, d'accord? Bravo. Ok, frérot. T'es content ou quoi? Il fait une fête tout seul là. Non, il y a du monde qui est rentré dans ta chambre. Non, on est quatre là. Ah, j'ai entendu une petite porte là. T'as prévenu les potes ou pas que tu passais sur Energy? Bah ouais, ils sont en train de m'écouter là. C'est vrai? Ouais. Énorme. Et bah, dédicace alors. Et dans l'internat, il y a personne qui sait que tu passes là? Bah, je sais pas, peut-être. Passe ta tête dans le couloir. Attends, je vais faire ça. Tu vas être l'idole de mes. Ah ouais, putain, le mec, il y a une PS4 sur Energy. Par le surveillant, c'est tout. Ouais, non, il n'y a personne. Il n'y a personne, tout le monde dort ou quoi? Ouais, c'est possible. Ouais, bah va les réveiller. tu mets des coups de pied dedans, quoi. Bon, frérot, je t'envoie ça demain. Hey, je suis de Coutances aussi, je suis au CFA. Bah là, tu vois. Mais non. Il y en a un qui dit, je suis aussi au CFA, BT Manche, BTP Manche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, il y en a plein qui disent. Énorme, des chambres. Je suis en menuiserie, voilà, Kylian qui dit, je suis en menuiserie. Tu sais, il y en a plein là qui ont envie. T'es où? Je suis en chambre 115. Voilà, je suis en chambre 115. Kylian, soirée. Kylian et tous les mecs là, sortez de vos trous. Rendez-vous là. Là-bas. Il y en a un, lui, il dit, je suis pas à l'internat. Ouais. Merde. Putain. Réveillez-vous, les mecs de l'internat de BTP. Soirée mousse. À Coutances là. Et vous allez chambre 115 et vous lui mettez la misère. Immédiatement. J'offre une PS4 à tous ceux qui ont. Alors là, c'est les meufs dans le bailleux. On va avoir des emmerdes, quoi. Bon, je t'embrasse, mon frérot. Je te repasse Julia pour l'adresse postale, d'accord? Okay. On va te l'envoyer à Sainte-Mère l'église, là, ça fait plaisir. Je te fais un bisou, mon pote. Tu veux faire une dédicace avant de partir? Ouais, bah, je fais une dédicace aux potes qui sont dans ma chambre. Ouais. Grégory Boulet, Antonin, et puis Julien. Eh ben, y a pas de problème. Eh ben, vas-y, hein, bisous les potos. Hein. Bon courage, hein, quoi. À quelle heure demain, là? Bah, 8h. 8h, putain. Vas-y, hein, bon courage, les gars. Demain matin, ça a piqué. Hein. Ouais. On embrasse tous. À bientôt, à bientôt, man. Salut. Allez, ton bientôt. Prénom, c'était? Adrien de la Manche de Sainte-Mère l'église. Bisous poteau. Bon courage à tout le monde. On se fait juste les 8 traditions sexuelles. parmi les plus étranges du monde. Ça, c'est bien, ça. Et juste après, sur Energy, on va prendre toutes vos réactions. Vous êtes hyper nombreux à appeler. Et on va dire, les fonds, on aurait dû fermer notre gueule, tout ça. Il y a eu des sujets de sexe, on va se faire le jeu des hôtels. Il y a plein de trucs à faire avant minuit aussi. Il est 23h38. Il y a eu le PSG qui a joué. Entre Arsenal et un partout. Voilà. En Ligue des Champions. Pour ceux qui suivent le match. Match nul. Un partout. Tout à l'heure. Barcelone a gagné 7-0 aussi. Exactement. 7-0, c'est ouf. Énorme match tout à l'heure. Tu as vu le match? Non, moi, je l'ai vu. Mais 7 buts quand même. Je l'ai vu, c'était magnifique. Ah ouais? C'est pas le PSG quoi. Enfin, j'ai vu du vert à un moment donné, je sais pas si j'ai compris que c'était ça. Et tout le monde disait que c'était ouf. Et, pareil, ouais. Et Bayern 5-0 aussi. Ah. Ah, 5-0 pour le Bayern. Qui dit mieux? 7-0 pour le Barça. 8-0 pour le basket. Demain. Allez, on y va. On parle des, oui, donc des traditions sexuelles les plus bizarres au monde. Alors, je peux vous dire qu'on a vraiment des trucs incroyables. On va commencer par la 8ème. Ah, la plus soft en fait. Ouais, exactement. Non, en théorie, c'est la plus soft. On va être étonné. Quand vous allez voir la première. Quand on va citer le nom de Julien Stagiaire. Ah ouais, ça me fait peur parce que. Dire, rigole. Non. Alors, 8 traditions sexuelles parmi les plus étranges du monde. Les pharaons. Qu'est-ce qu'ils faisaient les pharaons? Voilà. Ils pratiquaient, d'après. Selon les croyances égyptiennes, je précise. Les remous et les marées du Nil étaient provoqués par Atum, le dieu de la création. Sacré Atum. Et pendant qu'ils se masturbaient en public était donc considéré comme un acte de foi envers les dieux. Donc ils se retrouvaient en rond et ils se branlaient les uns à côté des autres. C'est énorme. Ça arrive. Pour se donner de la. C'est dingue, hein. C'est sale. Le temps a changé. Imagine, Julien Stagiaire le fait toujours. Non, c'est ça. Il m'a dit un jour, j'ai envie de vivre autant des pharaons. Non, pour autre chose, pour les pyramides ou quoi, mais pas c'est ça. Le 7ème, attention, 7ème, qu'est-ce que c'est les. Alors, on se fait les 8 traditions sexuelles les plus étranges du monde. Le 7ème, c'est les trop briandés, une tribu du Pacifique, où les enfants ont leur rapport sexuel à 6 ans. Voilà. Avec qui les habitants commencent à avoir des relations sexuelles très jeune âge, entre 6 et 8 ans pour les filles et 10 à 12 ans pour les garçons. Oh. C'est une pratique acceptée et un rituel ancestral de cette tribu. Mais la fille, elle peut pas à 6 ans. C'est un peu spé. Hein. Ah ouais. Okay. Mécaniquement, c'est pas possible. Malheureusement. Un garçon à 10 ans, peut-être, mais. Bah, t'expliquer quoi. Il y a des adultes qui veulent les forcer. Pourquoi pas. Ouais, c'est un peu chelou. Hein. Ouais. Après, c'est les coutumes et tout, on critique pas. On n'était pas nés. Bon, ça, c'est bizarre. Partager la même femme en Himalaya aussi. Ils sont faits de polygames. La polygamie fraternelle. Comme ils disent. En famille. En fait, les frères d'une même famille partagent la même femme. C'est-à-dire qu'ils sont tous les frères, en fait. Le frérot, il tape ta meuf, quoi. Le frérot tape ta meuf. Exactement. Ah, c'est exactement ça. C'est tourné, quoi. C'est une étude qui a été menée par National Geographic. Ils sont rentrés dans des tribus aussi en Himalaya. D'accord. Et ils se sont rendus compte, en fait, que plus les parcelles de terre sont grandes, plus ils ont de femmes, voilà, pour s'occuper des parcelles de un terre. Un grand terrain. C'est à l'ancienne. C'est proportionnel, marrant, quoi. C'est marrant, ça fait un peu. C'est fou. Tous les soirs de Noël, Julien Stagiaire se met chaque cadeau dans le cœur en espérant que cette année seront. Arrête de parler de ça, Noël. En Papouasie Nouvelle-Guinée, dans la tribu les Sambias. Attention, alors là, on rentre dans le dur. Hein. C'est numéro combien? Numéro 5. Pour devenir un homme dans la tribu les Sambias, les garçons sont séparés des femmes à l'âge de 7 ans jusqu'à leurs 17 ans. Pendant 10 ans, ils habitent dans des cabanes séparées. Pourquoi? Et de 7 à 17 ans, ils n'ont pas le droit, en fait, de se voir. Et pendant ce temps, en fait, leur peau est percée pour enlever toutes les contaminations qui sont apportées par les femmes. Et ils doivent boire le sperme de leur papa. Mais je te crois pas. Ce qui leur apportera croissance et force. Alors ça, c'est des. Ah bah écoute, j'ai déjà validé. Il va devenir guinéen. Je suis grand, mais. Il va faire voyage l'intérêt coupé. Il veut devenir. C'est dégueulasse. Papou, je viens de dire. Non, je suis bien. Je veux devenir papou. Voilà. Très bien. Au Niger, alors ça c'est énorme ça. Dans la tribu des Wadoubi. Non, des Wadabi. Les femmes sont réputées pour voler les femmes des autres membres. Voilà, pendant l'enfance, ils doivent se marier avec leur cousine. En France, il y a ça aussi. Pendant chaque année, voilà, les hommes se maquillent et dansent pour impressionner les femmes en espérant voler une autre qui a le droit de changer une fois par an de mari. C'est ouf, En fait, tu changes. Cette année, je vais avec lui. Cette année, je vais avec. En fait, chaque année, tu remets ton. À la fête du village, c'est changé un peu. Ça, c'est au Niger, ça. Au Niger, ouais, c'est. Troisième coutume ancestrale et sexuelle la plus bizarre au monde. Ça, c'est une vraie info que t'as dit, Guillaume. Cléopâtre se masturbait en mettant des guêpes dans une sorte de tube. Ouais. Les vibrations des guêpes dans le tube le faisait vibrer le tout premier god. Info véridique, mon pote Brian. 74. Voilà. Si, exactement. Ouais. Lis-moi SMS pour voir si ça marche. J'ai bien sûr, mon ami. Salut Brian. Super émission, comme d'hab. C'est gentil, frère. On dit pas que des conneries, quoi. Alors, attends. Se faire couper. Alors, attention, ça c'est énorme. Dans la tribu aborigène des Mardujara. Je sais pas où c'est, mais c'est là-bas. Les jeunes garçons doivent avaler leur pénis après avoir subi une circoncision. Une fois le pénis cicatrisé, on l'incise sur sa longueur par en dessous. Incision parfois pouvant aller jusqu'à l'anus. Le sort récolté sera ensuite versé au-dessus du feu pour le pénis. Arrête, j'ai la chair de poule là. J'ai pas trop compris. Non, mais une fois le pénis cicatrisé, c'est-à-dire qu'ils se le coupent en fait, ils se circoncisent. Ouais. Ils mangent en fait leur circoncision. Ils mangent le truc. Ils mangent la peau en fait. Ils mangent leur peau. Et après, on coupe le cochonnet, comment on appelle ça, l'endroit où tapent les boules. Ouais. Entre les couilles et le cul, quoi. Ils incisent et ils prennent avec un bol de sang, c'est hardcore. Hein. Ça doit faire mal. Je suis stagiaire, va l'habiter. Tribu. Ouais. Il s'est inscrit déjà. Non, ça va bien. La retenue sexuelle dans une petite île du Pacifique Sud, ça c'est le deuxième. Les garçons des rapports sexuels avec des femmes plus âgées dès l'âge de 13 ans. Celles-ci ont pour mission d'enseigner la retenue pour qu'ils apprennent à mieux retarder le moment de l'éjaculation. C'est bien. Afin de pouvoir par la suite augmenter les chances que les femmes rencontrent du plaisir. Voilà. Bah, c'est normal. En fait, ils s'éduquent avec des cougars, en gros. Ouais, et ils leur apprennent comment ne pas jouir tout de suite. C'est pas mal. Et enfin, le numéro 1. Magnifique. C'est le modèle parental, c'est dans les îles Marquises. Il est de bons conseils et même recommandé aux enfants. Ils les mettent en fait quand les parents couchent ensemble, ils se mettent à côté de leurs enfants pour montrer comment on met papa dans maman. Genre un mode d'emploi. Et comment on se reproduit, voilà. Ces pratiques sexuelles sont assez bien différentes de celles que nous connaissons en Europe. Mais ils font rien avec, on est d'accord. Non, en fait, ils te disent tiens, regarde maman, comment elle va prendre la potion. À quel âge? Et je sais pas, c'est pas les. Voilà. C'est marqué, il est de bons conseils, il est de bonne coutume de mettre les enfants à côté des couples qui forniquent. Voilà. C'est-à-dire que quand tu vas mettre une botte à maman, tu vas chercher ton fils. Mais il va être choqué. Les enfants. C'est glauque. Hein. Ouais. Justement, elle va prendre. Ah ouais, regarde ta mère, prochainement. Regarde comment t'es arrivé ici. C'est hyper glauque, non? Ils vont faire pareil. T'aurais aimé être né aux îles Marquises, un stagiaire. Non, l'autre il avance, c'était mieux la deuxième. Attends, c'est avec des cougars. Non, les cougars. Ah oui, oui. Ça, ça va, c'est Louis Wavle Spear. Non. Et c'est Ardos, hein, les trucs là. C'est hardcore. Ah, le premier. Je sais pas lequel est le pire. J'aime du standard. T'imagines si tes parents ils t'avaient posé comme ça? Tu préfères voir le sperme de ton père ou regarder tes parents? Je sais pas. Ah bah, je préfère regarder. Ah bah oui. Non. Ah, tu vois, non. Tu peux fermer les yeux, voilà. Ouais, mais il y a le bruit. J'ai un stagiaire à lui, je l'abuse, je sais pas de quoi fait ta nouvelle année. Salut à toi. Le sperme, t'as le goût. J'ai un stagiaire à lui, Julien, il vole des meufs. Je suis dégoûté, j'avais licence 75, merde. Je joue même plus, je suis déprimé. Ah, bah attends, ça va tomber, frérot, c'est normal, tu tombes juste à côté, à bout d'un moment, ça va tomber. Hein. Bon, et bien joué en tout cas, merci pour tous les messages. On se fait Ken Jones depuis tout à l'heure, je le dis. On se fait Ken Jones, don't mind, il est 23h45 juste après. On prend toutes les réactions, soyez les bienvenus sur Énergie Guillaume Radio 2.0 en direct. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sa passe. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sa passe. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sa passe. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sa passe. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her. But she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all, all, all. N'imaginez pas tout ce qu'on peut faire en deux heures. Du lundi au vendredi, à partir de 22h, c'est allez. Guillaume Radio 2.0. On est de retour jusqu'à minuit, là. Guillaume Radio 2.0, il reste 12 minutes de journée du 13 septembre. On est le 13, hein, ouais. Ouais, déjà, ouais. Merci à toi de lire tous les messages que j'envoie systématiquement. C'est aux dédicaces à tous ceux qui écoutent du hardstyle hardcore. Voilà, le message est passé. Salut. Bonsoir. Salut Guillaume, avec ton fun, j'aimerais trop avoir ton 06, mon petit. Bonsoir, Bibit du 6-4. Salut à toi, Bibit. Delphine, veux-tu m'épouser? Thomas du 50. Courageux. Et j'espère qu'on aura la réponse, hein, ma Delphine là. Bravo Delphine et Thomas si ça se fait dans le 59 là. Une fois ta cousine erreur, elle pourra parler à l'antenne quand elle vient. Sinon, pourquoi tu me parles de ma cousine? D'où elle sort ma cousine là? Parce que je crois qu'elle est sur Instagram et du coup tout le monde l'a rajouté là. Ça va Arnaud, 24 ans, tu m'entends Arnaud? Salut, salut. Ça va ou quoi? De Saint-Germain, de où d'ailleurs? C'est lequel Saint-Germain? De Talvand, c'est à Vire. D'accord, ok. Ah, dans le 14. C'est au sud de Caen. Ouais, c'est au sud de Caen. Ouais, donc Calva, représente alors. Enchanté Arnaud 24 Boule. Tu travailles dans quoi toi, Arnaud 24? Je suis dans la sécurité, moi. Dans la sécu, très bien. C'est toi qui as inventé la braguette ouverte que t'as pas remarqué quand tu parlais une nana qui te plaît. Je te rends compte après. Non. Non, très bien. Sécu, sécu avec chien, sans chien, avec puce, sans puce. Ouais, en ce moment avec chien, ouais. Je rentre en formation là, la semaine prochaine. Ah ouais, très bien. Et comment il s'appelle ton clébard? Lascar. Lascar. Ah, sacré mot ça. Ouais. Ouais. Lascar, c'est quoi comme chien? Un berger malinois. Ah ouais, putain, c'est méchant ça. Il est bien éduqué ou pas? Ça va, j'ai pas de problème. Ouais, c'est vrai, putain, ça doit faire peur. Il est muselière de toute façon. Ouais. Ouais. Il comprend attaque et tout ça, genre. Ouais, ça va, il comprend bien là. Mais genre, c'est une vieille dame qui marche dans la rue, tu dis attaque, il attaquera pas, il est pas con le chien. Non, ça. Non, c'est une bête quand même. Non, c'est s'il sent que le mec il a l'air d'attaquer, voilà, non? Faut qu'il y ait un danger, imminent quoi. Ouais. C'est-à-dire que si tu dis attaque sur une personne qui n'a rien fait, genre un connard, imagine, qui dresse son chien, il voit son ex, il dit attaque, il va pas l'attaquer quoi. Non. Enfin, il montre des photos de l'ex. Il y a peut-être des chiens un peu bêtes. Ouais. Pardon, je stagiaire. S'il montre une photo de l'ex, je ne réagirai même pas. Mais s'il dresse le chien pour que je ne réagirai même pas sur une question innocente. C'est moi mes yeux. On va l'inscrire aux anges de la réalité. Sympa. On va lui mettre la petite musique. On va aller danser avec Nabila, je stagiaire. Ah, ça, je veux bien. Là, tu m'as convaincu. Nabila, tu la trouves jolie, ouais. Ah, ouais, trop belle. Ah, c'est vrai, ouais. C'est ton style? Non, pas mon style, mais elle est charmante pour, ouais, pour un soir, ouais, effectivement. Tu mettrais la potée, quoi. Ah, bah, pas pour me marier, mais ouais. Deux soirs d'affilée, un week-end. Un ami Nabila. Ah, ouais, putain. Elle a une bouche. Toi, Nabi Nabila. La Sofiane. Ouais, Nabi Nabila. J'aime du standard, toi, Nabila, ça serait pour un soir. Bah, oui. Pour la vie? Non. Non, pas pour la vie. Ça doit être chiant pour la vie, une meuf comme ça. Pourquoi? Pour sortir avec elle, tout le monde la mate. Ah ouais. Elle est connue. Ah bah oui, elle est connue. Moi, je m'embrouille partout, tu vois. Genre. Julia, toi qui es bi sexuelle, sortir avec Nabila? Ouais, franchement, ouais. C'est vrai? Ouais, sortir. Ouais, elle est super belle, Nabila. Ah, mais t'es excitée pour la vie, genre, ou juste pour un soir? Non, peut-être un soir, je pense. Peut-être parce un que... soir. Non, mais elle a l'air cool, en plus, elle a l'air marrante, mais. C'est pas trop mon style vraiment physiquement, mais elle est belle. Ouais. C'est une jolie fille. Hein. Alors attends, avec qui vous pensez que j'ai stagiaire, il aimerait sortir? Salut, c'est Faudel. Faudel, non. Non, fais des cadeaux, Nabila. Ouais, mais enfin pour un soir quoi. Vraiment, ouais. Je la punirais et terminé. Oh là là. Merci. Oh là là. Si elle écoute, proviseur quoi. Et bah si elle sait, c'est qu'elle peut se faire punir par faire des cadeaux. Non, mais si jamais ça doit se faire, ça ou si on la croise ou quoi. Ça serait vraiment sale quoi. Ah ouais, sale. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Tu tapes fort quoi. Terminé, bonsoir. Ouais. Ah, c'est resté fidèle au Paris. Terminé, bonsoir quoi. Le mec. Oh là là, le bourrin, putain, le bourrin, c'est bon. Moi j'aime bien quand ça bourrine. Alors Arnaud, 24 ans, Saint-Germain, mec de sécu. Salut à tous les mecs de sécu, hein. On vous fait un bisou, les mecs. Salut. D'ailleurs, qui bosse de nuit. Hein. Depuis les premières fois que tu passes à la radio, t'es déjà passé toi? Ouais, c'est la première fois. Ouais. C'est vrai? Ouais. Oh là là. Non. Des puces. Exactement, enfin. Bon, t'as une histoire avec. On se racontait des fois, on aurait dû fermer notre gueule juste pour terminer le sujet là. Ouais. Bah en fait, je suis intervenant aussi sur Alarme, donc c'est assez compliqué à gérer. Attends, excuse-moi, j'avais pas vu. Putain, alors, excuse-moi, mon con, je te le dis direct. Non, c'est y a pas toi. De problème. C'est juste moi qui ai pas vu la pub arriver. Ah oui, c'est maintenant. C'est 22h52 et j'ai 14 secondes pour l'envoyer. Vous bougez pas, il y a une pub pour 20, les double hits et on se retrouve juste après, ça dure 45 secondes. Vous avez découvert 21 Pilots et Nash en écoutant Énergie. Grâce à eux, vous gagnez le nouvel iPhone 7. I hate you. Il faut place pour voir 21 Pilots au Zénith de Paris. Dès que vous entendez le double hit avec 21 Pilots et Nash à la suite, hey, I'm Nash. Soyez les premiers à appeler Énergie 3937. Et vous gagnez votre iPhone 7 ou le concert de 21 Pilots le 17 novembre au Zénith de Paris. Pop, R&B, Dance. Ici, c'est Energy. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire ? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bonjour à tous, c'est Evelyne Thomas. Retrouvez-moi pour une nouvelle saison inédite de C'est mon choix. Humour, défis, émotions, personnalité décomplexée et caractère bien trempé. C'est mon choix du lundi au vendredi à 17h sur Chéri 25. Quel est l'impact du Brexit sur l'économie européenne ? Trouvera-t-on un jour de la vie ailleurs que sur Terre ? Comment une vidéo de chat peut-elle être vue 227 millions de fois ? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous, dans tout ça ? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros, une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Avec Sac Noël et les trompettes bleues. Arnaud qui est avec nous. J'ai l'impression qu'avec cette table de mixage, quand je mets un peu le son fort, on entend plus les voix. Ouais, je ça, crois. Ça faisait pas avant ça. Ah ouais, ouais, remets. Ouais, ils m'ont mis une nouvelle table de mixage. Coûte une couille en plus. Ça marche moins bien, je trouve. Non, en fait, quand je mets ça, genre, on entend plus là, tu vois. Avant, il y avait un compresseur qui empêchait trop la musique de. On l'a changé. De nous péter dessus ou quoi. Bon, Arnaud de Saint-Germain de Talvent de. Dans le 14. Talvent de la Lande, exactement. Saint-Germain de Talvent de la Lande, voilà. Qui est agent de sécu, tu racontais, tu faisais des boulettes, etc. On se racontait, des fois, on aurait dû fermer notre gueule avant de faire le jeu des hôtels pour terminer là. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bon, en fait, donc comme je disais au standard, une fois je suis intervenu sur une alarme et le client, je l'avais pas vu et j'ai dit putain, ça commence à me faire chier, le client était juste derrière. Et donc au final, bah, je me suis pris la gueule avec lui et ça s'est mal terminé en fait. Donc genre là, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Ah ouais, c'est pas trop grave. Voilà. Bah si, tu dis pas quand il y a un client derrière, il me fait vraiment chier ce mec. Ouais, bah, c'est un client chez qui on allait régulièrement, donc... Ouais. Ça faut faire attention. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et pourquoi tu y allais régulièrement chez le mec ? Parce qu'il est, c'est son alarme zonée ? Des alarmes intempestives, en fait, ça se déclenchait pour rien. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais. Et donc, c'était parce que c'était mal réglé, genre, ou il pouvait quelque chose ? Ouais, non, il suffit d'une toile d'araignée sur un capteur, de la poussière. Ou un truc comme ça. Ouais. Ça déclenche, quoi. Ah oui, une araignée devant, ouais. Ah, c'est Julia, il y a déjà une fois, t'aurais dû fermer ta gueule, tu nous as pas dit là. Ouais, bah ouais, moi j'ai fait une grosse gaffe un jour, en fait. J'étais donc avec des potes. Ouais. Et donc, il y avait mon meilleur pote qui me racontait qu'il avait trompé sa nana avec une fille qui s'appelait Isabelle. Et j'ai dit, ah ouais, il l'avait dit à sa nana, tu vois. Et donc, je commence à en rigoler un petit peu, ça faisait un petit peu longtemps. J'ai dit à sa copine, bon, c'est comme Isabelle et tout, ton copain, il est un peu déconné. Elle m'a dit ouais, et en fait j'ai mis le nom de famille de la fille, que je vais pas dire à l'antenne, et c'était une autre Isabelle. Donc j'ai fait une énorme gaffe et je me suis rendu compte qu'il avait trompé sa copine avec deux Isabelles. Ah merde. Et donc, t'as dit oh là bah oui, et j'ai dit le nom de famille et voilà, et donc énorme gaffe. Et ça a relancé le. Bah oui, et non, bah, bien sûr, et là ils ont commencé à s'engueuler devant moi et tout, j'étais pas dans ça. Et ils se sont séparés ou pas, non ? Non, ils se sont pas séparés. Putain, elle est gentille. Pendant une semaine, ils se parlaient pas et tout, j'étais trop mal, je faisais l'intermédiaire entre Isabelle, les deux, hein. C'était un enfer. Toi, t'es vraiment la meuf à qui faut pas continuer. Moi, je fais des gaffes, mais. Tu le sens. Ouais, tu le sens que